l'université. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Marie-Laurence Audrey sera des autres pour sa chronique Le Loisir bien plus qu'un jeu. Et Stéphanie nous présentera une nouvelle chronique culinaire, mais on n'en dit pas plus pour l'instant. Assemblage requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis ce mercredi 24 septembre 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Stéphanie Paradis qui a une nouvelle chronique aujourd'hui. Oui. Qui est excitée, puis moi aussi. Ah, ça n'a pas de bon sens. Puis en plus, non, mais la journée est vraiment belle. J'ai trouvé 25 cents à terre tantôt en m'en venant. Toi, pour quel prix te baisses-tu, genre au minimum? Est-ce que tu baisserais pour un 5 cents ou un 10 cents? Oui. Oui. Une scène, moi, non? Une grosse pute à scène de plancher. Ouais, je vois ça. C'est rare pour avoir ça. 25 cents, je vais avoir une poignée de jujubes. Là. Ouais, de 3 jujubes. Puis. Des petites framboises. Non, les framboises, ils en donnent un peu plus. Okay. C'est les amandes dans le chocolat qui en donnent 3. Mmh. Des fois, si t'es chanceux, il en tombe une quatrième. Mais souvent, c'est comme une excroissance de peanuts. Elle est comme un peu tout croche puis un peu plus petite que les autres. On les aime. C'est un peu comme notre public difforme aussi qu'on aime beaucoup. Oui, on les mange. Pas notre public, les bonbons, en ce cas-ci, oui. Ah! Moi, je me baisserais pas pour... je pense que 25 cents serait le point commun pour à peu près tout le monde. Je pense que c'est non, le minimum. Appelle-moi au pire. Si. Ben, si tu vois 5 cents, oui, okay, ben oui, je vais y aller, moi. Mais sinon, une pièce, c'est sûr que je me baisse. Une pièce, je me roule à terre. Oui, c'est ça. Donc, ça, ta nouvelle chronique, ça va être à 9h. C'est une nouvelle chronique culinaire, alimentaire, dans ta gueule. Non, c'est pas vraiment le nom, parce qu'il y a des gens sur Facebook qui disaient « Waouh, quel nom de malade! » Ouais, mais on n'est pas si hot que ça non plus. Ça aurait pu être cool. Ça aurait pu. C'est dans ta gueule avec Stéphanie. ouvre grand la bouche à 9h. Avant ça, à 8h30, Marie-Laurence Audet, c'est connaître le loisir bien plus qu'un jeu. Elle nous parle toujours de divertissement, de choses qui sont par rapport à la récréologie, voilà. Mm-hmm. On a aussi, en tout début d'émission, on va faire 5 minutes de réponse là. Ça commence dans quelques instants, mais avant ça, en musique. On retourne en arrière, on retourne en fait en 2012, j'ai envie de retourner entendre du Los Campesinos, c'était super bon. Sur leur album Hello Sadness, voici Songs About Your Girlfriend. Sur C'est Fou. Bonne émission, Steph. Hey, bonne émission! Il y a un sénateur, penche-toi. Je suis pas naïf. Her soft spot soon you will see. Last Campus Eagles et Songs About Your Girlfriend Assemblage Requis. Oui, on ressort des vieux trucs. Là, ça, c'était en 2012. Je devrais le faire plus souvent. J'avoue mais le vieux, 2012, pas si pire, là. Non, c'est pas si vieux que ça. C'est pas comme si c'était en 81. Non, t'es dans quelle année? 83, come on. Come on. Ben, je peux pas voir dans maths. Non, c'est ça. T'es... Ouais. En mathématiques, là, pas en Mathieu. Là. Non, mais ce serait pratique d'avoir ce talent. Ouais, merci. Ce serait pratique d'avoir ce talent-là en mathématiques pour être capable de calculer les frais de livraison pour les articles qu'on commande dans Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Hein? Ça existe, mais ça ne devrait pas. Là, c'est la chronique des choses qu'on achète sur Internet pour des prix ridicules et pour des raisons qu'on ignore un peu. Mais parce que ça a l'air tentant, tu sais. Et aujourd'hui, je te fais un genre de bloc à double thématique. C'est l'Halloween qui s'en vient dans peut-être un mois et une semaine environ. C'est pas mal ça. À la fin du mois de septembre. On va manger beaucoup de bonbons à ce moment-là. Donc, j'ai fait un spécial nourriture puis costume, l'un après l'autre. Cool. Tu sais, mettons. Wow. Commençons par la nourriture. Toi qui aimes t'aimes partir en fusée. T'aimes quand ton sphincter ressent les mêmes sensations que ton orifice buccal, mais dans l'ordre inversé. Hein? C'est-à-dire que t'aimes ça manger épicé, puis ça te sort, puis c'était en feu. Là, tu sais, après ça, t'es en feu par derrière. Oui. Donc, c'est la nourriture épicée, ça fait ça. Ça arrive. Thingy qui vient de sortir un popcorn fait avec les super piquants Ghost Peppers. J'ai jamais entendu parler des piments fantômes. Veux-tu que je t'en parle? Ça, c'est-tu comme si ça t'ampute la langue, après ça, t'as comme un membre fantôme de ta langue, genre? Ça doit ressembler à ça pendant un bout de temps, ouais. Ça, c'était... Je faisais une langue, on dirait une truite avec ma main. Elle fait un va-et-vient de main vers de la gauche à la droite, comme une barbotte, ouais, c'est ça. C'est une langue. Un piment à la peigno, hein, c'est coté 3500 CHU. CHU, ça, c'est l'échelle de... De piquantitude, exactement. Ouais, mais moi, de ce que je connais, le plus piquanté, ce serait le habanero. Probablement, mais là, tu serais peut-être pas capable de le manger du tout. Donc, je pense qu'ils ont fait un entre-deux parce que, bon, le jalapeno, c'est 3500 CHU, OK? Le ghost pepper a 1,4 million de CHU par rapport à 3500. C'est pas si piquanté que ça, là, le jalapeno. Ah non, non, non, c'est ça, c'est pas si pire. Donc, le ghost pepper était dans le livre des records Guinness de 2007 comme poivron, genre piment chili, le plus piquant du monde, à 401,5 fois plus piquant que la sauce Tabasco. Donc là, ça parle pas du habanero, là. Je sais pas s'il est en dessous ou en haut, j'ai aucune idée. Mais ouais. Faudrait le vérifier un jour. Faudrait vérifier. Mais en même temps, rendu à ce niveau-là, est-ce que tu vas remarquer la différence entre 1,4 million et 1,2 million? Moi, c'est ça. Tu sais, un feu de canne dans ta bouche ou une explosion, un incendie, ça brûle pareil. Je pense que tu vas crier de toute façon. Fait que tant qu'à ça... Si tu peux plus, t'as plus de lampe et de corde vocale, tout fond. Ben, plainte pas, c'est toi qui l'as acheté. Ensuite, on va aller de l'autre côté de l'échelle de la piquantitude, piquantaison, avec quelque chose de sucré. Hein. Des gummy bears, c'est sucré. Ouais. On aime ça, les gummy bears? Ouais. Ouais. Que dirais-tu d'un serpent python hein, de 26 livres en gummy bear? Ben, pas en bear, en gummy steak. Si on veut. C'est ce qu'on vous offre pour 150$. Ça contient 36 000 calories. Ça fait 8 pieds de long. Wow. De très beaux détails. Les yeux sont particulièrement impressionnants. Ouais, il est beau. La couleur est bien mélangée. Il y a comme une... Moi, c'est ça. C'est pas comme jaune, après ça rouge, après ça vert. C'est toute une belle couleur rouge uniforme avec des semblants d'écailles noires. C'est ça, les écailles, c'est quand même quelque chose aussi. Il y a des milliers, en fait, on dit d'écailles qui ont été gravées à la main. Je sais pas si c'est à la main sur le serpent gommé ou dans le moule qu'ils ont fait probablement à la main. Mais bon, donc 8 pieds, 36 000 calories. En fait, 36 720 calories, moi j'arrondirais ça à 36 000, c'est encore plus impressionnant. Ouais. C'est ça. Donc allez voir la petite vidéo de ce gummy snake. Ensuite... On est-tu capable de manger ça à deux, tu penses? À deux, sur quel délai, mettons? À quel délai? Une soirée, là. Une soirée, ouais, ouais. Avec un peu d'alcool pour caler ça. Ah oui. Ensuite, quand tu reçois des gens, des fois du vin, t'aimes ça le servir froid, mais des fois, tu veux pas que ce soit trop froid non plus. Non, faut pas que ce soit... Surtout du vin rouge, faut pas que ce soit température frigo, là. Non, tu mettras pas ça sur glace non plus, du vin, là. Voyons. C'est quoi, là, tu sais? Non, mais un jour, je vais te donner un truc. Merci de m'avertir à l'avance pour pas que je sois jeté à terre. Dans une chronique instruite d'assemblage, je garde ça pour demain. Non, c'est non. Pour ma future chronique. Oh, des spoiler alerts sur ta future chronique qu'on n'a pas encore annoncé. Non. Donc, tu veux pas que ton vin soit trop froid, mais peut-être que tu l'as acheté en dépanneur ou il le met dans un réfrigérateur parce que Colin, sinon, ouais. Il serait à la tablette et ça serait pas mieux. Donc, tu veux le réchauffer un peu, ben là, tu veux pas commencer à y mettre une veste, là, genre ta veste là, de tous les jours. Là. Non, c'est ridicule, ça aurait l'air niaiseux. Tu vas y acheter sa propre veste, bien mais sûr. Oui. Ben oui. Donc, il y a certains vins qui ne doivent pas être trop froids, dont ont besoin donc de wine bottle hoodie sweatshirt. Hein? C'est juste une couverture, si on veut, mais en forme de vraie veste en coton. Et c'est vraiment en vrai coton. Ça a l'air confortable. Il y a un zip à l'avant, c'est vrai. J'ai envie d'être une bouteille de vin. Si t'avais juste froid à la main, tu pourrais peut-être t'en servir comme mitaine aussi. Oh. Tu pourrais, je sais pas. Mais c'est joli. Est-ce que ça fonctionne pour des bouteilles de 1 litre? Non, d'après moi, ça va être trop 1 litre. Je sais pas. Ah, peut-être. Non, attends, 1 litre, c'est pas si pire que ça, c'est pas si grand que ça. Non, ça va fonctionner. Oh, ouais. Mais 2 litres, non. Clairement pas. Y a-tu des bouteilles de 2 litres? Non, ben. Chez Costco, sont. En tout cas, un vignier, ça rentre pas. Non, voilà. Non, puis les petites boîtes, le genre de vin. C'est ça, un vignier? OK, j'étais pas sûr. Ouais. Ah, c'est ça, j'étais pas sûr. les enfants, là, c'est pas vous que j'appelle les enfants, mais je vous dis que les enfants, en général, font souvent des dégâts quand ils prennent du lait dans une grosse... Ah ouais, ils n'ont pas de classe. Un gros galon ou du jus, du Sunny Delight ou peu importe, là, ils font des dégâts partout. Donc, il va falloir que vous achetiez le Magic Tap Automatic Drink Dispenser. Vous l'ajoutez sur votre bouteille de lait ou de jus et même les jeunes enfants vont pouvoir se verser leur breuvage sans avoir besoin de lever le carton ou le galon du réfrigérateur parce que ça devient... en fait, c'est le dessus, le bouchon qu'on ajoute devient un fût presque. Ah! C'est vraiment cool. Et donc, vu que le fût est en haut, et que le tuyau de 13 pouces se rend jusqu'en bas de la plupart des contenants qui sont très hauts, qui ont une bonne hauteur, mais on va pouvoir se rendre jusqu'au fond de la bouteille avec ce fût-là. On a besoin de deux piles 2A qui ne sont pas incluses pour faire fonctionner le Magic Tap. On vend ça, entre autres, chez Bed Bad & Beyond pour 13$, le Magic Tap en blanc. Voilà. Ben, même pour pas les enfants, on trouve ça pratique. Et c'est vraiment un gros cruchon de jus. Ouais. Ça te tente pas nécessairement... Ben, de sortir de là. Tu sais, des fois même, tu peux écarteler ta porte de frigo. Ben oui, on a des beaux, du beau vocabulaire. Nous, on avait une machine à eau comme ça, en fût, dans le frigidaire. Puis c'était vraiment pratique dans le temps. Fait que je pense que du jus, puis chacun de tes liquides que tu bois. En fait, moi, je trouve pas ça pratique d'avoir un truc en fût d'eau dans le frigo. Parce que ça prend énormément de place. C'est vraiment ça. Je préfère avoir ma machine à l'extérieur. Je suis très d'accord avec ta machine est réfrigérée en plus. Donc. Mais on peut pas avoir une machine à jus ou à lait comme si ça. Si seulement. Ça se fait pas. On a tous rêvé d'un robinet qui donne de la root beer. Ouais. Un fût de liqueur à la maison. Hein? Mais un sur de stream, François, qu'il faudrait. Tu peux pas avoir comme une machine à eau puis que ce soit de la liqueur dedans. Parce que à cause du voyage, si on veut du liquide, ça va exploser. Là, mais l'explosion de saveur. Ouais, mais une explosion collante aussi. Ah bon. Ensuite, on passe plus à ce qu'on... excuse-moi. C'est la transition entre les deux, celui-là. Non. En tout cas, bref, peu importe. Je continue. C'est l'hiver qui s'en vient. Vous voulez boire pendant que vous faites du ski? Pourquoi tu parles d'hiver, là? Je sais pas, je m'excuse. Donc, vous voulez faire des bonhommes de neige, vous voulez aller faire du ski, mais... Non! Vous voulez aussi boire de l'alcool pour calmer... Ah oui! Votre haine contre l'hiver. OK. Bon. Mais on peut rester en dedans? Oui, si tu veux. Oui. OK, cool. Ouais. Donc, c'est des mitaines flasques. C'est à peu près parfait, je vous dirais. C'est deux mitaines. En fait, il y a une mitaine qui va avoir une flasque connecté à une valve pour ne pas avoir à dévisser le pouce ou n'importe quoi pour boire. Dans le fond, c'est que vous allez appuyer votre bouche, vous allez mordre la valve, le tuyau, ouais. Et l'alcool va sortir. Vous allez pouvoir boire avec votre pouce. Un peu comme les camelbacks, là. Genre, avec c'est le tube quand tu vas faire de la randonnée. Il faut serrer les dents contre l'affaire. Donc, pas de bouchon, pas de stress avec ça. On sait pas combien on peut mettre de liquide dans les mitaines, mais ça coûte seulement 15$, donc essayez-le. Ben, c'est pas très gros. J'imagine que c'est à peu près la même quantité, justement, qu'une flasque. À peu près. T'as vu le petit sac qui sort de la mitaine? Il y a un petit zip sur le côté de la mitaine. Elles sont rouges dans ce modèle-ci. On pourrait aller voir s'il y a d'autres couleurs. Moi, ce que je trouve très drôle, c'est que en fait, si tu regardes la photo du couple qui ont la mitaine, je pense qu'ils n'ont pas vraiment les mitaines. Ils ont été rajoutés par-dessus. Hein, je pense que c'est un petit peu photoshopé. C'est un petit peu trompeur. Mais ils ont l'air heureux. Oui, ben, c'est ça l'important. je les vois seulement en rouge, même sur le site. Ouais, rouge, c'est en laine acrylique. Une grandeur pour la plupart des gens, donc one size, comme on appelle. 2,75 par 7,25 pouces. Ils auraient dû faire le format alcoolique. Ouais. Moi, je le mettrais dans mes... Moi, je mettrais ça dans mes bottes. T'as plus de place. Tu fais un plus long tuyau. Puis, faut que t'aspires peut-être un peu plus, par contre, là. Tu mets deux tuyaux vraiment longs, un qui va dans ta bouche, l'autre qui va. Puis là, tu peux éliminer tes besoins en même temps. Fait que là, tu vas pouvoir boire, éliminer tout le temps. Une botte chaque. Bref, ouais. Ça va être livré en octobre pour 18$ les méthodes flasques. Ensuite, tu connais les sporks, Steph, j'espère. Mais tu connais oui. Les sporks, ben oui. C'est, j'en ai même une version avec le couteau sur le côté. Ah, c'est malade. C'est super pratique pour le camping. Trois ustensiles en une seule. Spork, pour ceux qui ne savent pas, c'est une grosse cuillère, mais qui a des fentes, donc pour pouvoir piquer de la viande ou quelque chose comme ça. Bref, c'est l'accouplement entre une cuillère et une fourchette. Ben, laisse vraiment. Parce qu'en tant que tel, c'est pas une fourchette, c'est vraiment une cuillère avec des fentes. C'est une cuillère avec accessoirement une fourchette intégrée. Ce que je te propose là, c'est vraiment plus une spork. C'est une cuillère et une fourchette, mais les deux à part complètement entière et il n'y en a pas un qui est moins là que l'autre présent dans l'ustensile, tu comprends? Donc, c'est vraiment une cuillère où la portion cuillère est complète et les pics sortent de ça. Okay. OK. Donc, ce que tu peux faire, c'est pour manger des ramen. En fait, c'est fait exactement pour manger des ramen. C'est le mama qui sort ça. C'est fait pour manger juste des ramen, mais tu peux faire d'autres choses avec, mais particulièrement ça. C'est Masami Takahashi qui a inventé ça. C'est pour la marque de noodles. En fait, pour une chaîne de restaurants de noodles, de ramen noodles, Suga Kiya au Japon. Donc, quand on mange... On pique les fourchettes et on tourne. Et puis après ça, Les nouilles. Les nouilles, exactement. Ouais, c'est ça, excuse-moi. C'est comme tout tantôt quand t'as dit biscuits sans faire exprès, puis tu m'as spoilé. Ah ben, Colin, qu'est-ce que je viens de faire moi-même? Ah! OK. Donc, tu vas piquer tes pâtes et tu vas pouvoir après ça boire le liquide. Parce qu'avec une spork, comme tu connais, tu pourrais pas vraiment utiliser ça comme une de la soupe. Ben oui. Ben, les fentes sont dans la... Écoute, on doit pas avoir la même version parce que moi, je pouvais boire le jus de ma soupe avec cette spork-là. Exactement. Bon, peut-être. Mais bref. Mais pas faite comme ça. Ça, c'est sûr et certain. Celle-là, moi, je l'apprécie plus. Je trouve que ça a plus de sens. Ça élimine les déchets aussi des baguettes parce que les Asiatiques, les Japonais vont prendre des baguettes pour manger leurs pâtes et ensuite, ils vont prendre une cuillère à part pour boire le jus. Ah! Parce qu'ils veulent pas se mettre le bol directement dans la gueule! Ben, moi, c'est ça que je fais, là. Mais... La force, c'est qu'avec cette cuillère-là, il faut vraiment que tu boives comme le jus de côté parce que si tu mets la cuillère dans ta bouche, tu vas un petit peu te percer les... la luette. Ouais. Avec les pics de fourchette. C'est sur le magasin en ligne de Moma, M-O-M-A, qui offre cette Ramen Spoon Fork en ensemble de deux pour 28$. Maintenant, tu connais les Bang Krispy Kreme. Ben, tu sais. Donc, pour célébrer leur nouveau système de livraison de beignes au Royaume-Uni. Oui, un système de livraison de beignes, les chanceux. Je pense que c'est mieux pas. Ah, ben, j'aime bien avoir l'option de pouvoir le faire si je veux. Oh non! Donc, Krispy Kreme a fait une grosse batch de 200 beignes. C'est bien 200, 2000, attends un peu, 2400. 2400 beignes, oui, original, glacé. Donc, 2400. Ah, c'est wow. Ça. C'est une double douzaine, je crois. Ils ont fait ce qui donne 2400. C'est peux-tu ça, mathématiquement? Je sais pas. Apparemment, une compagnie chanceuse va gagner ces beignes-là, donc on peut pas les acheter, mais une compagnie va gagner la boîte de 2400 beignes. Wow! C'est incroyable! Hey, t'as-tu vu la boîte? On est 6 employés, assez fou, genre. Ça va être combien, chaque? Hey, bon. Oh, on dirait... la boîte est tellement grosse qu'on dirait plus que c'est des Cheerios dedans. Avoue. Ah, j'avoue, mais c'est tellement meilleur que les Cheerios. Oui, imagine si tu faisais un gros bol de bing de même avec du lait. On continue avec un blog spécial maintenant sur l'Halloween, pourquoi pas, avec, pour commencer, des chia, mais zombies. Tu connais les chia, c'est des petits animaux de compagnie, mais qu'on peut faire pousser du gazon dedans. Ouais. C'est fait en genre de céramique, je crois, puis là, t'as, mettons, un petit chat, puis les cheveux vont y sortir, les poils vont y sortir parce que ça va pousser. Donc, c'est chia qui sort des zombies. Il y a plusieurs modèles, en fait, de ces zombie chia pour ajouter à votre décor d'Halloween. On peut choisir soit un bois, un bras qui sort d'une tombe, genre du sol, c'est ça. T'as Lifeless Lisa et t'as Creepy Holden. Donc, Lifeless Lisa, c'est des cheveux en genre de luzerne, on dirait. Vraiment bizarre. Et puis l'autre, Holden, c'est juste un monsieur épeurant avec une touffe de cheveux. On dirait du trèfle. Peut-être, oui. Donc, c'est les chia zombies. L'emballage est très, très Halloween avec du rouge. On dirait du sang, mais je pense que c'est comme une forêt. Ça coule de noir de tous les côtés. Puis, Je dirais que la main est très cool, mais les autres, les visages, je dirais avec les cheveux, sont plus épeurants pantoute, là. C'est ça enlève un peu... Tu sais, je veux dire, on dirait qu'il y a un mini afro, là. Ouais. Mais bon. Ensuite, on veut se déguiser en Mario et en Link, en personnage de jeu vidéo préféré. Ouais, mais on est tellement paresseux pour construire ou fabriquer notre propre costume. C'est ça? Ben, ouais, pas mal ça. Oh, on va dire que oui. Donc, à la place, on va s'acheter des hoodies qui sont presque exactement pareils comme les personnages de Nintendo. Donc, c'est TV Store Online qui offre ces vestes qui sont sous licence de Nintendo. Ah, donc, ouais. C'est approuvé par Nintendo, les designs. Si on peut les décrire un petit peu, en fait, je pense que le problème avec tout ça, c'est que Mario et le groupe des personnages de Mario ont presque pas de coups dans les jeux vidéo. Hein. Donc, pour essayer de limiter le costume, on dirait que les personnages ont comme pas de coups quand ils montent leur veste trop, tu trouves pas? Ils ont comme juste du torse. Ouais, je comprends. Mais bon, c'est pas grave parce que la capuche a intégré à elle-même une casquette, donc ouais. Devant une casquette et la lettre de Wario, Luigi et Mario. Évidemment, Wario avec une salopette mauve et une veste jaune, casquette aussi. Bien sûr. Luigi en bleu et vert et Mario en bleu et rouge. Et Luigi, c'est bleu foncé. C'est vrai, c'est pas le même bleu. Mario, c'est bleu pâle. Trompez-vous pas, là. Mais je te verrais tellement avec ça. Oui, hein, vraiment. Hein? Laquelle tu voudrais? Celle de Mario pour commencer, c'est ça. Le classique. Ouais, le reste, plus tard. Link, lui, a une veste jaune et par-dessus un vert avec une ceinture et sa capuche est verte comme la petite capine, le chapeau de Link. Un petit peu plus proportionné correctement chez Link parce que lui, bon, il y a un coup, on va se le dire. et ça vient avec une épée de dessinée sur la veste pour Link. C'est ce qu'on dit ici. Je c'est le vois cool. Pas sur la photo. Ouais, ben sur une autre photo, on le voit de dos. Ah, ben oui, je viens de voir ça. Son bouclier et son épée sont dans le dos. Je te dirais que le design, ce serait vraiment Link le plus cool. Oui, c'est celui qui est le plus réussi. Même si tout le monde est, comme on l'a dit, sous licence de Nintendo, donc c'est des designs approuvés. 50$ chaque, quand même cher pour une veste. Oui, oui. Mais il y a des marques qui sont aussi chères que ça pour encore moins. Sûrement des meilleures marques, j'imagine. Mais non, Nintendo, c'est le meilleur. C'est vrai, mais on ne sait pas si c'est des vestes de piètre qualité. On ne sait pas encore, on l'a pas essayé. Ben non, ils ont approuvé. T'as raison, mais ils ont trouvé des affaires qui ressemblent pas à Mario. Ça suit des toutous de Mario qui ne ressemblent pas partout à Mario. Non. En tout cas, j'imagine qu'ils ont eu la licence, eux autres aussi. Ensuite, le tuxedo, c'est un tuxedo mélangé avec un tracksuit. Un tracksuit, c'est un genre d'habit, comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça, genre en One Piece, si on veut. Un genre de ben, peut-être pas One Piece, en fait, mais c'est comme les personnes âgées portaient ça dans le temps. Là. C'est genre des pantalons avec un par-dessus, mettons, qui serait tout rose, mettons. Là, ouais. Genre un tracksuit, bref. Donc, c'est le tuxedo, la nouvelle mode. Qui est dans le fond un croisement entre... Nouvelle le... mode, on y va fort, là. Non, mais on mélange un tuxedo et un tracksuit, là. C'est jamais vu. Non, non, sûrement ça a déjà été vu, en fait. Mais c'est donc cet habit-là, pareil comme les personnes âgées, sauf que le dessus est un dessin de veste de tuxedo pour avoir l'air classe, genre. Mm-hmm. Donc, il y a le Dutchman, le classique, le Bubble, le Irish, le Flamingo, qui j'imagine est rose, hein. Le Red Dragon et le Gentleman. Donc, ça vous intéresse, c'est le tuxedo. Tu fais confiance en toi pour porter quelque chose comme ça. C'est ça, c'est comme une parodie de toi-même et de d'autres choses. Ensuite, toujours dans les costumes d'Halloween, je dirais, mais peut-être pas nécessairement pour celui-là, c'est un sac de couchage portable, un peu comme un Snuggie. Hein? Tu sais, le Snuggie, c'est le fun. C'est une couverture que tu as accès à tes bras quand même parce que tu rentres dedans puis tu peux manger ton popcorn assis sur le divan comme ben une couverture. Ben bon. Oui. Mais c'est la même chose, mais pour un sac de couchage. Hein? C'est le Wearable Air Mattress Sleeping Bag Suit du Japon, bien sûr, qui est un sac de couchage attaché à un matelas gonflable qui vous permet de dormir peu importe où vous êtes, au bureau, par exemple. Si vous passez la nuit là, peut-être lors d'un événement, un party, ou peut-être juste pour économiser de la place quand vous allez chez un ami. Donc, ça inclut une pompe à air manuel. Et lorsque c'est pas utilisé, on peut le rouler en petite affaire de la grandeur d'une feuille de papier. Genre, pas de l'épaisseur d'une feuille de papier, mais de la largeur d'une feuille de papier. Genre, voilà. C'est très laid. C'est affreux. Le petit matelas a l'air d'une affaire qu'on mettrait dans la piscine, on dirait. Non, ça a l'air du truc dans lequel ma cartouche d'encre est emballée. Oui, Amazon livre ses paquets avec des petites bulles d'air, là, genre, ouais. Ils font ça. Donc, ouais, ça ressemble à ça. Le matelas, ça c'est le matelas, mais le sac à couchage, de couchage en tant que tel, a pas l'air trop épais. Donc, le gars a l'air de marcher quand même normalement. Ouais, mais est-ce qu'il a chaud quand il se couche? Il doit avoir vraiment très très chaud, mais pour l'Halloween, c'est ce qu'on veut, hein. Tu sais, de se protéger du froid d'octobre, presque novembre. Ouais. Ah, d'accord. Et on termine avec ce costume jetpack. C'est vraiment stupide, là, complètement anodin, là, mais c'est un costume qui te donne l'impression aux autres que t'es en fusée, genre que t'as du feu qui te sort. C'est cool! C'est très, très cool parce qu'il y a des fausses jambes dans l'habit. Donc, les jambes te pendent dans les airs. Des fausses jambes, ouais, c'est ça. Et tes jambes en tant que telles sont le feu de la fusée. Donc, c'est pour... Ouais, est-ce que tu comprends le principe? Ouais, mais on dirait que je le vois pas. C'est comme trop bien fait. Ben, c'est ça, c'est trop réussi. Ben, le gars est caché derrière des petites branches d'arbres. Mais tes jambes sont recouvertes d'une genre de jupe de feu, si on veut. Et t'as de fausses jambes qui sortent du costume par en avant. Donc, tu peux te pogner les jambes puis t'as l'air de juste être sur les fesses avec les jambes naissantes. C'est cool! C'est très bien fait. C'est le jetpack Halloween costume. Voilà. Je crois pas qu'on puisse l'acheter parce qu'on nous dit d'aller voir sur Reddit quelqu'un qui a fait une photo. Mais bon, vous pouvez probablement trouver quelque chose de similaire à ça ou le faire vous-même. Donc, c'est le jetpack Halloween costume. Voilà pour ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Génial. Ah oui! Tout à l'heure, en fait, on va continuer avec plus de 6 minutes, ça devrait répondre là dans quelques instants. Parfait. Ouais. Mais avant ça, on s'en va entendre de la musique. Incroyable, mais vrai. On s'en va entendre du côté francophone. Une nouvelle entrée, Steph, et c'est vraiment très, très sexy comme chanson. J'ai découverte hier. Okay. Et on m'a fait entendre ça. Moi, personnellement, je garde mes opinions pour après. Je vais vous laisser vous faire votre propre avis avant de le dire. C'est Brigitte avec la pièce « À bouche, que veux-tu » sur C'est fou. 89 FM. Pour tous les lovers. Trois bien. À bouche, que veux-tu. Plus attendre, viens la fièvre prend fin. M'aimeras-tu demain? Sur tes mains, m'aimeras-tu demain? Oh, c'était sexy ça, à bouche, que veux-tu par Brigitte. Au retour, une deuxième partie de Sex Mess, ça ne devrait pas là. Plus tard, Marie-Laurence Audet. Plus tard, une nouvelle chronique de Stéphanie, ça, avec un nom qu'on ne dira pas pour l'instant parce qu'on garde des surprises. Plus tard, on sera plus là. Mais vous autres, vous allez être encore là? Oh, oh. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, vous êtes à Assemblage requis avec Stéphanie Paradis. Et avec Mathieu Plante. Et c'est l'émission matinale en pièces détachées. Tantôt, on était en train de parler de gadgets. On avait donc du fun dans 5 semaines, ça devrait répondre là. Ouais, on y retourne dessus. Ouais, genre là, tout de suite, là, il y a du milieu. C'est la chronique où on se procure des choses plus ou moins qui vont peut-être pas provoquer ce genre de bruit-là de votre bouche. Sauf pour le premier qui, moi, me fait faire exactement « Oui, mais je veux! » C'est un porte-clé de bois avec de brûler dessus des manettes de Nintendo. Ah. En fait, c'est un porte-clé et une clé USB, les deux en même temps. Hein? C'est donc bien beau! Et c'est gravé à la main. Inspiré par des commandes de jeux vidéo personnalisés avec votre nom, hein, si vous le voulez bien. Peut-être même votre score, votre high score sur votre jeu vidéo préféré. Alors, c'est des clés USB de 4 gigs qui célèbrent votre amour pour les jeux vidéo old school. Tout en, évidemment, protégeant vos clés et tout ça. C'est fait de bambou. C'est très cool et cool. Genre les deux mots, ouais, on a compris. Donc, ce qui leur donne un petit look rétro assez amusant. Ça vient en format NES, Super NES et Game Boy. Ça coûte 25 $ américains sur Etsy. En fait, c'est un magasin où la communauté peut vendre ses produits. C'est Minifab qui fait ça sur Etsy, qui va graver ça avec votre nom ou votre score pour un petit frais additionnel. Tu prendrais laquelle? Je prendrais la Nintendo, parce que je trouve que Super Nintendo, la gravure est pas assez grande. On va dire que ça devrait faire... C'est vrai qu'ils n'ont pas utilisé l'espace auquel il y avait droit. Alors que la NES, on dirait que le truc de bambou au complet est une manette, alors que Super Nintendo, on dirait que c'est juste une icône qu'ils ont acheté au milieu de... Ouais, je suis tellement d'accord. Moi aussi, j'aurais opté pour la main. Ouais, voilà pour ça. Ensuite, on reste dans les jeux vidéo avec des moules en silicone pour faire des gâteaux en forme de manette. OK. Donc, c'est ThinGeek, encore une fois, qui offre ses Classic Game Controller Silicone Mold. Chaque moule va faire 6 manettes de 2,9 pouces, une paire de manettes de NES, une paire de Sega Genesis ou une paire, et une paire de PlayStation. Donc, dans le même moule, tu as 2 de chaque manette, tu comprends? Mm-hmm. Dans le moule de 6. Voilà, donc, c'est des consoles qui datent pas de la même époque, mais justement, c'est comme une historique des jeux vidéo. Il y en a pour tous les goûts. Et voilà. Tous les goûts, mais justement, tu peux faire le gâteau que tu veux là-dedans, donc tu peux en avoir pour tous les goûts fois 1000 avec un moule à gâteau. Shitting Geek pour 10 $ américains. Pas cher. Non, pas cher. Mais c'est le shipping en Shitting Geek qui vient tout gâcher. Ensuite, quand tu travailles au bureau, tiens, t'aimerais ça pouvoir faire de l'exercice, on te recommande de te lever une fois de temps en temps de ton bureau, sinon tu vas finir par avoir le syndrome du tunnel carpien, les problèmes de dos, les problèmes de genoux, les problèmes de... ça arrête plus, ces affaires-là. Donc, il y en a qui vont s'asseoir sur des ballons d'entraînement, ça peut arriver. Mais maintenant, il y a un bureau en roue de hamster. Arc. Ouais, c'est Rob Godshaw et Wordwise qui ont créé ensemble cette grosse roue à hamster, mais aussi bureau, qui vous permet de marcher tout en travaillant. En fait, c'est pas un produit qu'on peut acheter, c'est une affaire que vous allez devoir faire vous-même. C'est encore pire. Encore pire. Il y a donc des efforts à faire pour ça. Ah, peut-être que juste de créer le produit, vous allez faire assez d'entraînement pour après ça, pouvoir l'utiliser. Ouais, c'est ça. C'est assez. Tu le vends... construit. C'est ça. Un de tes collègues. Tu le vends construit, puis là, ben, finalement, t'as fait de l'argent pour t'acheter d'autres produits. Fait que, tu sais, ça fit dans la chronique quand voilà. tu y penses. Donc, sur l'Instructable, on vous dit comment monter tout ça. Il vous montre comment le fabriquer. Il y a une petite vidéo aussi en time-lapse. Donc, le projet demande 4 planches de plywood, du contreplaqué, hein, 2 roues de skateboard ou du roulé-roulant, 2 pipes ou des tuyaux, 240 vis à bois et l'aide de vos amis, j'imagine, pour vous aider. La petite vidéo qui montre comment ça fonctionne, c'est bien cool. Tout ça, je veux dire, pourquoi pas? Si seulement tu pouvais le faire pour que ça génère de l'électricité pour tes gadgets. Ouais, ouais, pourquoi pas? Ben sinon. Si tu veux recharger ton iPhone, away, go! Ça ne s'appelle pas ton ordinateur, genre qu'à chaque fois que tu arrêtes de marcher, c'est ton ordinateur ferme. Ouais. Peut-être pas jusque-là, mais quand même. Ensuite, des blocs ABC pour les enfants, mais version nerd. Okay. C'est un design de Tiffany Hard. Pas hard comme difficile, mais hard, juste ARD. C'est des super nerdy ABC blocks avec des lettres de l'alphabet sur un côté et un terme illustré de science. Ou scientifique pour aller avec la lettre sur les chacun des 5 autres côtés. Par exemple, bon, le A, ça va être le zéro absolu. Atome et d'autres. B, c'est binaire. Radiation et un paquet de trucs comme ça. Wow. Donc, on peut voir, il y a une légende PDF si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a sur les blocs sur assemblagerequis.com. Ça coûte 50$ pour l'ensemble de, c'est... j'imagine, 26 lettres. C'est, ouais, probablement. C'est vraiment cool. C'est vraiment beau. Pour enseigner quelque chose tout en jouant. C'est le ouais, fun. J'aime ça. Ouais. C'est sur uncommongoods.com. Ensuite, c'est une bibliothèque flexible. Quand votre salon manque de look, peut-être que juste ajouter ça pourrait vraiment donner un certain éclat et en plus un certain éclat de classe ou un éclat parce que t'as des livres d'afficher sur ton mur, on sait pas trop. Donc, ajoute un petit peu de classe avec cette bibliothèque flexible. Donc, dans le fond, c'est que ça va venir avec des presse papier, les trucs qui tiennent les livres. C'est bien comme ça, on appelle ça. Comment ouais. C'est ça, non? Donc, de chaque côté, pour garder les livres bien droits. Mais c'est que tu peux faire des formes avec ta bibliothèque. Donc, par exemple, ici, on fait une spirale presque. Et les presse-papiers ou les arrête-livres, si on veut, vont retenir les livres dans la pente. Parce que là, on s'entend qu'une pente, ça tombera à temps. Donc, ça tient les livres. Et comme ça, tu peux avoir des livres en courbe tout autour de votre spirale. C'est cool! C'est bien fait. Ça vaut 1 400$. C'est moins cool. Moins cool. Donc, tu peux vraiment mouler ça de la façon que tu veux. C'est super personnalisable. Ensuite, quand on va dans un restaurant ou peu importe et qu'on n'a pas de monnaie, on paye avec la carte. Moi, ça m'arrive, je dirais de ces temps-ci à tous les jours parce que je mange que de la scrap genre en permanence. Mais mettons là, que t'arrives là-bas et t'as pas d'argent pour mettre du pourboire du type. Ouais. T'achètes un gros café là, à 8$, là, genre. Chez peu importe un magasin qui vend du café beaucoup trop cher et tu veux laisser du type, qu'est-ce que tu fais? Tu utilises la dip jar. Si ça devient à la mode, ce serait vraiment une très bonne chose. La compagnie a ramassé 420 000 $ d'investissement pour produire et mettre sur le marché un petit pot avec une bande magnétique, un lecteur magnétique intégré. Donc, on pourrait tiper, mettons, 1$. Ce serait super simple de juste mettre ta carte dedans comme si tu lâchais de la monnaie et tu ressors ta carte. Ah, c'est cool! Comme ça, la barmaid ou la barista te voit le faire, un peu comme quand tu mets de l'argent, tu vas tout le temps attendre qu'elle te regarde faire « Hop, maintenant mon type! » Voilà. Tu peux pas le faire alors qu'elle le voit pas. Ça, c'est juste toi. Non, c'est pas moi tout le monde que je vois au bar moi, qui attend vraiment. Moi, je fais exprès de faire du bruit. J'attends pas nécessairement qu'elle me regarde. C'est ça. Mais bon, je sais que vous, peut-être aussi, le fait d'attendre, donc vous allez pouvoir le faire avec le même mouvement. C'est ça qui est cool. C'est comme une version moderne d'un petit pot aquarium normal. Ouais, mais admettons que tu veux mettre 50 cents, tu peux pas. Ben, c'est ce qui est pas expliqué de façon vraiment claire dans l'article. D'après moi, ce serait un genre de... Je sais pas si ce serait le pourcentage. Est-ce que tu pourrais... Ben non, c'est juste des 1$. Regarde, c'est marqué 1$ dessus. J'avoue que c'était pas mal clair, finalement, quand on y pense. Mais je préférais un petit bouton sur le côté avec des pourcentages, c'est 10, 15, 20. Ça serait ben trop compliqué. Ben, c'est ce qu'ils font quand tu payes avec débit ou avec carte de crédit. Oui, c'est sur une machine de débit, pas sur un petit pot. Oui, mais... trois icônes, Oui, mais ça, c'est connecté à quelque part, là. C'est pas la machine qui décide, là. La machine est connectée dans la machine. En tout cas, je sais pas. Peut-être. Ça s'appelle Deep Jar. Pour l'instant, de toute façon, ça sert à rien. On peut pas l'acheter. Et évidemment, les bandes magnétiques, c'est sur sa fin. Même aux États-Unis, en retard sur tout le monde, ils vont avoir la puce à partir de cette année ou l'année prochaine. Plutôt on devait de passer à autre chose. C'est ça, tu sais. Fait que, bon, bandes magnétiques, hein, on vit dans le passé avec ces Américains. Ensuite, quand t'arrives, tiens, je sais pas, t'arrives... c'est quoi celui-là déjà? Je me rappelle plus c'est quoi celui-là. Ben rien. Le gadget, attends un peu. C'est Convert a Hanger qui ajoute un crochet à ses supports qui n'ont pas de crochet. Genre... Ah, c'est ça! Je l'ai. C'est quand même assez simple. Tu sais, c'est les cintres anti-vol qu'il y a dans les chambres d'hôtel. Ouais. On peut pas les enlever. OK? Non. Donc, tu pourrais pas accrocher tes vêtements sur la pôle de douche, des trucs comme ça, parce qu'ils ont pas de crochet dessus. Ils ont juste un rond qui passe dans, le bâton à l'horizontale. OK? Ouais, ouais. Donc, c'est l'adaptateur Convert a Hanger, qui est un adaptateur de plastique ABS qui change ces cintres-là en cintres traditionnels, plus simples à gérer. Donc, vous avez qu'à passer l'adaptateur par-dessus et ça devient un crochet. Quand même cool. Faut vraiment que tu ailles à l'hôtel souvent. Ben, c'est ça, c'est pour les voyageurs. C'est fabriqué aux États-Unis. Quand même un petit peu cher. Ça vient en emballage de 2 pour 10 $. Shipping non inclus. Convert a Hanger. C'est sur .com. Ben, c'est ça, convertahanger.com. Tant qu'à ça, va au magasin 1 $ de la place. Va en acheter 3-4 pour une pièce. Ouais, j'avoue, tout de même. Ouais. ensuite, le Clear Spray Hydrate. C'est de l'eau à l'intérieur d'une bouteille spray, mais juste de l'eau, et on vous vend ça comme produit. Et est-ce que ça coûte 2 $? Est-ce que ça coûte 10 $? Non, ça coûte 22 $. C'est pour humidifier et rafraîchir votre peau. On utilise ça avec les traitements Clay Spray pour préparer la peau, faciliter un massage et traiter la peau. Il y en vend en pharmacie ici. Ils vendent de l'eau en bouteille ici, mais en spray? Mais oui, il y a Vichy... Sérieusement, j'aurais jamais pensé. C'est quoi l'autre? Pas Avino, mais ça ressemble à ça. En tout cas, ben, ils vendent des cannes d'eau. Ben, c'est voyons pour te rafraîcher. Je pensais qu'il y avait juste ça sur Internet, pas dans un vrai commerce. Ouais. Wow, okay. Ça coûte cher. Clay Spray H2O Spray Hydrate Natura Spring Water en format 4,3 once liquide. On revient au livre ou au truc qu'on mettrait dans son salon pour faire classe. Quand t'as une grosse boîte, tu sais, mettons, tu peux avoir un coffre dans ton salon pour mettre des affaires que tu n'utilises pas tous les jours. Je sais pas, des chandelles, je sais pas. Mais tu peux pas le montrer au monde. T'sais? Fait que là, tu mets pas des affaires importantes parce que tu le montreras pas. Mais non, c'est ça. T'sais? Donc, si tu veux montrer les objets que tu as à l'intérieur, il te faut la caisse Clear Acrylic Trunk. Par exemple, tu pourrais justement mettre des livres là-dedans. C'est une boîte faite d'acrylique, hein? Ça dit dans le titre. Ça ressemble vraiment à une caisse normale avec un petit truc pour barrer en avant, là, comme les valises. Et tu mets ce que tu veux dedans, tu le fermes, ça ramasse pas de poussière. Il y a jamais de poussière qui va aller là-dedans. T'sais? Non, mais sur la boîte, il va avoir de la poussière. Ouais. J'espère qu'il va... Ben, il va falloir les pousser pas mal souvent, finalement. C'est pas mal ça que ça veut dire. Ça vaut 432,51 $, si je vois bien d'ici. Voyons donc. Ouais. Parce que moi, quand je mets quelque chose dans une boîte, c'est parce que je me débarrasse de quelque chose et je veux pas que ça paraisse. Ouais. Tu peux peut-être faire des numéros de contorsionniste, peut-être. Ouais, parce que là, tu vois que les livres sont tous bien placés, là. Oui. Je commencerai pas à faire ça, là. Exactement au bon angle pour faire une belle photo. Hein. Ça a l'air vraiment comme planifié, tout ça, je trouve. À peine. Donc, c'est la Clear Acrylic Trunk. Ensuite de ça, ceux qui aiment le surf, pour commencer, hein? C'est une planche compacte qui vous permet de faire des trucs assez particuliers. Donc, on va regarder la petite vidéo ensemble. Je dois l'avouer que je ne l'ai pas regardée avant. Donc, on va regarder ça. Attention. Est-ce que c'est ce que je pense? Je pense que le gars est sur ses mains en train de faire... Je sais pas, moi, ça... Ah oui, il y a comme des mini-planches de surf dans les mains. C'est ce que je croyais, en fait. C'est des mini-planches de surf qu'on se met sur les mains. J'essaie de voir... parce qu'on le voit en format GoPro, donc on voit pas trop ce qui se passe en tant que tel. Est-ce que tu as vu plus que moi? Pas vraiment. Hein? Je pense qu'on devrait passer à autre chose. Non, ma vidéo, elle marche pas. Ouais, c'est ça. En tout cas, bref, 167 $. C'est des. C'est ça. Ça s'appelle des surf handboards, donc des planches de surf pour les mains. Ça arrive même aux meilleurs parents, nous dit l'article de ogizmo.com. Des fois, on peut oublier son enfant dans la voiture. On l'a vu cet été plusieurs fois. Il y a des enfants qui sont morts parce qu'ils étaient laissés dans la voiture, les fenêtres à peine craquées. Ça arrive depuis toujours. De toute façon, tu laisses pas un enfant dans une auto, fenêtre pas ouverte. Non, c'est pas ça. Un chien. Je pense que ça, on peut vous traiter de moron si vous faites ça pas mal. Je pense que ce serait pas mal vu de le faire. Là, quand même. Mais des fois, juste oublier son enfant, ça peut arriver même si c'est pas l'été. Ça pourrait être dangereux quand même. Donc, c'est un système d'alarme pour leur sécurité et votre bien-être, votre paix d'esprit, si on veut. Bref, c'est Beverly Marketing Management qui sort le système d'alarme Forget Me Not Kid. Système qui peut être installé en quelques minutes. C'est compatible avec la plupart des sièges de voiture et des modèles de voiture. Ça comprend un sensor, un genre de tapis de siège, une application qui communique via fréquence radio et via Bluetooth. Lorsque le sensor remarque que le parent sort de son siège de voiture, et donc de la voiture, hein, qu'il n'y a plus de poids sur le petit pad, que ça détecte que l'enfant est toujours assis, ça va présenter une alarme sonore et visuelle pour rappeler aux parents que leur enfant est toujours dans la voiture. Donc, le Forget Me Not Kid Alarm System présentement ramasse de l'argent sur Kickstarter. On demande un minimum de 100$ pour avoir votre propre machine. Je me dirais que j'ai de la misère à comprendre comment tu peux oublier ton enfant. Ouais, mais tu sais, peut-être un problème psychologique de la part du parent, ça peut arriver. Peut-être que, tu sais, il y a une mémoire à court terme très, très... Ouais. Je sais pas, j'essaye de trouver une raison. Ou pour les morts. Ou pour les morons. Ta gang. Oui, c'est ça qu'on salue. Et on vous demande encore de venir chercher votre carte de membre via moi, le directeur général des morons. Sur... Au coût de 15$. C'est ça. Et plus taxes et shipping. De toute façon, même si vous venez le chercher. De toute façon, vous allez l'acheter. Vous êtes marron. Alors ça, j'adore cette idée-là. Quand tu sors, là, de plus en plus, les salles de bain dans les centres d'achat, même ici à l'université, il y a plusieurs salles de bain qui n'ont plus de porte. Tu sais, c'est un corridor où on voit les gens se laver les mains. T'sais. Pas au centre d'achat, mais ici, c'est mal fait. Il n'y a pas assez de place pour faire un vrai corridor, donc ils ont fait un faux corridor où on voit tout le monde à l'intérieur de la place. Mais bon, on voit les filles se pomponner dans le miroir, c'est bien belle fin. Donc, on s'en fout, c'est pas ça le sujet. Quand t'as une poignée de porte et que tu dois tirer, tu vas tout le temps, vu que tu peux pas pousser avec ton coude ou rien, tu vas tout le temps prendre des microbes. T'sais. Et ceux qui sont anti-microbes ou qui ont peur des microbes, ben, Colin, ils ont rien à faire, sauf peut-être prendre la manche de leur hoodie pour ouvrir la poignée. Bref, c'est Pull Clean que ça s'appelle. C'est une poignée de porte avec un distributeur de trucs pour se nettoyer les mains, sans eau, bien sûr. Qui va être intégré à la poignée dont tu prends d'une main, tu appuies sur le bouton, ça sort le liquide, et après ça, tu peux ouvrir la poignée ou tenir la poignée pour l'ouvrir. Donc, c'est sûr que c'est un distributeur, c'est pas grand-chose, mais ça vient avec ce qu'on appelle un logiciel, je peux t'apprendre ce que c'est, un logiciel, qui s'appelle Count Clean, qui va noter si, dans le fond, le niveau qui reste dedans pour pouvoir facilement le remplir. Ah, ça, c'est bien. Contrairement à l'université où il y a rarement du savon dans les distributeurs de savon, et il n'y a jamais de trucs à main dans le distributeur qui est juste à côté de nous, du studio, il n'y en a jamais depuis 2 ans. Non, mais ils n'en mettront plus jamais dedans. Pourquoi est-ce qu'il y a ça là? On ne sait pas. Ben, c'était à cause de H1N1. Ah, fait que là, depuis qu'il n'y a plus d'H1N1, c'est plus important de se laver les mains, c'est ça que ça veut dire? Ben c'est non. Ça que ça donne comme message un peu. Là. Ouais? C'est sûr que je comprends. Tu sais, alors qu'il n'y a personne qui utilisait le truc pour savoir si c'était apte à conduire, c'est le petit truc à 2$ avec une paire que tu souffles dedans, ils l'ont enlevé après. Il a fini par l'enlever. Au moins. Il est plus là? Il est plus là. Parce qu'il n'y a personne qui s'en servait, il est plus là. J'imagine qu'il faisait pas l'argent. Mais non. Ça devrait être un service à la communauté de leur offrir ça, mais c'est financier. Non, c'est ça, tu devrais pas payer. Ben non. Mais c'est parce que le problème, c'est qu'il y aurait des gens qui s'amuseraient avec. C'est vrai. Mais vaut mieux que tu t'amuses avec puis que tu fasses comme, oh, peut-être que finalement, je devrais pas prendre mon auto. Mm. Ça me dit que je devrais pas. Ouais. Au lieu de juste, oh non, je m'en sers pas, 2$, c'est trop cher. Exact. Tu sais, c'est comme un distributeur à condom, si mettons personne s'en servait. Là. Ça reste utile pareil, tu le laisses au cas où que. Moi, je vois ça comme un service. Mais bon. Donc, c'est le Pull Clean. Pour 200$, vous pouvez en réserver un. Donc, pour votre hôpital, compagnie ou peu importe. Pull Clean. Ouais, parce que c'est pas super beau, là. Non, c'est très plastique, hein. Oh, le look est vraiment plastique, mais c'est comme une poignée blanche, très très grosse, et le bouton du distributeur est bleu. Ouais, c'est laid. Ça a l'air de manquer d'indication du fait que c'est un distributeur, ça. Il faudrait que ce soit marqué, tu sais, hey, savon par ici. Ouais, mais tu sais, je veux dire, tu vois le gros cossin bleu, moi. Tu pèses dessus. Je pèse dessus. Ben, même si c'est une arme de feu, c'est pas grave. Ben oui, ça pointe de porte. Ensuite, faire de l'unicycle. Tu sais, là, à une seule roue, là. Ouais. T'imagines réussir à tenir en équilibre là-dessus? J'ai déjà fait ça. Ouais. Au secondaire, j'étais pas bonne. Non, c'était vraiment nul. Faut des années de pratique, probablement. Ben, en fait, sur le groupe, admettons qu'on était 24, il y en a un qui était capable. Wow. Donc, je te dirais que le ratio de personnes capables de faire ça facilement est de 1 sur 25 d'accord. À peu près. T'en as ajouté un juste pour faire un chiffron. Ben oui, 24. Ben rond. Bref, de l'unicycle, c'est ça, c'est cool, mais si tu veux impressionner tout le monde, il te faut un unicycle qui s'équilibre tout seul. Hein? Ah, ben là, c'est de la triche! C'est un peu comme un Segway, c'est le même genre de système, c'est super éco-friendly. Donc, ça fonctionne, ça va à des vitesses de 10 000 à l'heure avec des freins régénératifs qu'on nous dit, je sais pas ce que ça veut dire, pour encore plus de sécurité. Donc, c'est, je vois rien sur l'article. Steph, c'est combien que ça coûte ça? 1795 $. Bon, parfait. Donc, sur la petite vidéo, on montre un peu comment ça fonctionne. Donc, la personne est sur son unicycle et ça se balance tout ça. C'est à peu près ça. Donc, tu le vois descendre une côte juste en se tenant debout. Et le tout avec, j'imagine, un gyroscope et autres technologies super fancy. Tout se fait tout seul. J'aurais bien trop peur. Ouais. C'est le Self-Balancing Unicycle. Ensuite, les insectes, il n'y en a plus ben, ça commence à se calmer un petit peu. Il y en a pas mal moins. C'est vrai que c'est assez calme. C'est assez calme. Chuck donc, Tony nous l'a confirmé hier. Oui, Charles-Antoine, notre ami du mardi. Donc, il vous faut quand même, si vous en reste un petit peu, la Bug Vacuum, c'est un aspirateur à insectes. Super efficace, transportable un peu partout. C'est pas mal mieux que de taper la mouche. La Fly Goodbye. Fly Goodbye. C'est beau. Mais c'est écrit ça sur la machine. Mais pour vrai, je comprends pas. Sur mon ordinateur, les images s'affichent pas puis les prix elles s'affichent par-dessus le texte. Fait que ça. C'est pour ça que je dis n'importe quoi quand je fais ces articles-là. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais bon. De toute façon, la chronique, on a assez fait. On a assez acheté d'affaires. C'est terminé pour l'instant. Pour 5 semaines, ça devrait répondre. Là, on fait ça les mercredis à Assemblage Requis. Donc, soyez-y. Au retour de la pause, ce sera Marie-Laurence Audet, sa chronique Le loisir bien plus qu'un jeu, mais pour l'instant, c'est message d'une importance primordiale. C'est le 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon retour, vous êtes toujours à Assemblage requis? Ben oui, c'est toujours l'émission matinale en pièces détachées. Elle est toujours Stéphanie Paradis. Lui, c'est toujours Mathieu Plante. Toujours, ça ne changera jamais. Mais ce qui change, c'est les personnes qui sont présentes en studio avec nous. Mais, mais elle change, mais toujours pour le mieux, tout en s'améliorant. T'sais, elle est meilleure qu'elle était hier, mais moins bonne que demain. Genre. C'est Marie-Laurence Audet, c'était têteux ça. Voici le loisir bien plus qu'un jeu. Salut Marie-Laurence Audet! Bon matin! Bonjour, bienvenue à toi, bienvenue dans nos humbles studios. Merci. Habituellement, tu nous parlerais de loisirs en tant que contenu, donc ce qui se passe dans le loisir, là, c'est vraiment spécifiquement un domaine du loisir, mais là, tu nous dis que tu vas nous parler un petit peu plus du contenant, de ce qui contient, de ce que... Je vais l'expliquer. une haute teneur en loisir, si on veut. C'est ça que ça veut dire. Oui, bien en fait, habituellement, je vous parle du milieu du loisir, des différentes sphères, que ce soit le plein air, le tourisme, la culture ou autre. Je vous parle des différentes clientèles. Comme la semaine passée, on parlait par exemple en milieu rural. Des fois, on parle des bénévoles. Des fois, on parle de différents sujets dans le milieu du loisir. Mm-hmm. Mais ces sujets-là, ces statistiques-là, ces recherches-là, on les obtient grâce à l'Observatoire québécois du loisir qui diffuse ces informations-là. Dans le fond, c'est notre source première d'informations en loisirs au niveau scientifique. Mmh. Le seul laboratoire officiel scientifique en loisirs, c'est l'Observatoire québécois du loisir, qui, on est chanceux, est situé à l'université. Donc, il est situé à l'UQTR, mais il n'est pas un laboratoire de l'UQTR. Il est vraiment juste localisé. Un peu comme C'est fou, on est localisé à l'UQTR, mais on ne fait pas partie de l'UQTR. Même principe. Génial. Plein de subventions et tout. C'est ça. Donc, ils sont localisés à l'UQTR, mais travaillent vraiment avec le monde externe de l'UQTR, les différents partenaires dans le milieu du loisir, comme je disais tantôt, avec différentes sphères et différentes clientèles. Puis, on est chanceux parce qu'on a comme ceux qui travaillent dans l'ombre et ceux qui diffusent l'information à deux bureaux auprès, fait qu'ils peuvent communiquer ensemble. Donc, tu sais, moi, souvent, je représente le laboratoire en loisirs et vie communautaire. Oui. Où est-ce que, dans le fond, on fait les recherches, on va sur le terrain, on va chercher les informations. Puis après, l'Observatoire les diffuse. Fait que lui, c'est notre vitrine officielle, c'est notre vitrine que les gens de l'externe connaissent. Puis en plus, l'Observatoire a comme mission de faire une veille stratégique. Donc, de voir tout ce qui se passe en loisirs aux alentours, des nouveautés, des tendances, des problématiques qu'on pourrait régler. Fait que de pair, le laboratoire travaille là-dessus, puis l'Observatoire va les diffuser. Mmh. Puis ce matin, pourquoi je parle de l'Observatoire en tant que tel? Parce qu'habituellement, c'est pas du contenant que je parle, comme tu disais tantôt, c'est de leur contenu. Oui. C'est parce que en tant que début d'année pour eux, parce qu'à chaque automne, ça redevient un début d'année. Toujours. Ils se mettent à boire, eux autres aussi, puis se faire initier. L'intégration à chaque année. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont toujours des nouveautés en tête, des orientations, des plans. Mais cette année, c'est une grosse année en place. Il y a un changement à la tête de la direction. Il y a la mise en place de différents postes de coordonnateurs et chargés de projet. Fait que là, ça va brasser. Ils ont mis en place une équipe permanente qui est plus nombreuse. Puis il va avoir un boom. Puis dans leurs idéaux, entre autres, là, je sais que je vais vous parler de leurs thématiques qu'ils veulent aborder cette année, leurs idéaux pour l'année à venir. Mmh. Parce que dans le fond, en connaissant ça, ça va juste... Ça nous concerne toutes parce qu'après, on bénéficie du contenu. Mmh. Fait qu'aujourd'hui, je vous informe de tout ça. En fait, tout d'abord, pour l'année 2014-2015, ils nous ont dit qu'à date, ils rejoignaient à peu près 5000 personnes dans le milieu du loisir, des instances, des individus et autres. Là, là, ils veulent passer à 10 000. Okay. Fait que là, là, ce qu'ils veulent, là, c'est un gros boom, mais c'est autant au niveau de la publicité qu'au niveau du contenu qu'aller chercher. Là, ils ont fait une veille à savoir qui leur manquait dans les gens du loisir qui était plus stratégique et important. Puis c'est réaliste, parce que des fois, c'est une organisation qui contient 500 personnes. Vous comprenez? Genre, là, c'est pas un. Mm-hmm. Ouais, ouais. Mais, fait que, on veut faire un boom de nouveaux membres cette année. Puis c'est très simple, en fait, d'être membre. C'est que tu inscris ton courriel, puis tu vas recevoir les nouveaux bulletins. Tu vas recevoir la nouvelle information. Puis après, il y a différents partenariats qui sont possibles avec les événements qu'ils vont faire dans le milieu du loisir. Donc, on veut augmenter la communauté. Et principalement, ils ont visé deux sphères qui étaient peut-être moins touchées en ce moment par l'Observatoire, qui était le milieu communautaire, qui est toujours aussi actif sur le terrain, mais qui était moins partenaire dans les différents événements. On avait surtout Sport Québec, on avait des gens de la culture et autres. Mais le milieu communautaire, qui a souvent moins de moyens, qui a une autre réalité, qui ne s'identifie pas nécessairement aux autres sphères, mais là, là, ils vont avoir leur parole pour dire « Hey, voici ce qui se passe chez nous puis ce qu'on aimerait que vous fassiez. » Donc, on essaie de rejoindre premièrement le milieu communautaire. Puis aussi, on essaie de rejoindre des agents qui sont influents dans le domaine, mais qui sont plus afférents au domaine du loisir. Tu sais, la semaine passée, on parlait du milieu rural, mm-hmm. qui sont des gens qui ont une toute autre réalité, mais qui n'étaient pas nécessairement des gens en lien avec nous. Le monde médiatique, puis différents ministères aussi. On les enveloppe. Mais, non, mais c'est parce que c'est une sphère aussi que nous, on a des réalités sur le terrain, puis eux, ils connaissent peut-être plus théoriquement mm-hmm. ou en gestion le reste de notre situation. Mais on veut que tout le monde puisse se parler puis qu'on ait vraiment les meilleures réalités en place pour pouvoir répondre aux besoins. La communication, donc, l'entraide exactement. Entre tout le monde. Oui. Puis on sert de la radio pour dire ça. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Donc ça, c'était un objectif principal cette année, d'augmenter les membres. Mm. Ensuite, ils veulent développer des thèmes. Ils veulent développer des thèmes qui ont été moins abordés les dernières années ou pas du tout abordés. Puis, c'est sûr qu'ils veulent respecter l'Observatoire, leur première mission, qui est de faire la veille stratégique, d'informer les gens. Ils vont continuer aussi les différents outils qu'ils ont en place. Ils font des bulletins qui disent « on en fait au moins 8 par année ». Puis les bulletins, c'est vraiment le fun parce que c'est de rendre accessible l'information scientifique. Fait que c'est des 1 à 2 pages, langage hyper accessible, hyper vulgarisé. On se reconnaît là-dedans, puis on trouve ça intéressant à lire. C'est pas trop long, c'est pas un mémoire de 50 pages. Tu reçois ça par courriel, tu le lis quand tu veux, t'es au courant de ce qui se passe. Fait qu'ils vont continuer les bulletins, ils vont continuer la veille stratégique. Ils ont mis en place, j'en avais parlé l'année dernière, le portail des bénévoles en loisirs, qui est en fait des petites fiches qui répondaient aux questionnements que les gens avaient. Fait que si on disait, hey, c'est quoi les droits des bénévoles, c'est quoi les responsabilités, pouf, en une page, t'avais des réponses. Fait que les organisations pouvaient faire part de leurs questionnements, puis nous, on diffusait les réponses. Aussi, au niveau des orientations politiques du gouvernement, parce que dépendamment des gouvernements en place, il faut s'adapter. Dépendamment des coupures qu'il y a, il faut s'adapter. Donc, ils suivent aussi au niveau politique ce qui se passe, beaucoup au niveau municipal, pour le ramener en information pour les différents acteurs du loisir. Sinon, ils ont toujours comme mission l'analyse des tendances de la pratique en loisir pour, comme je disais tantôt, nous informer sur soit les nouveautés, les problématiques ou les besoins que les gens ont. Donc, ça, c'est dans leur mission première. Suite à ça, en respectant ça, puis en ayant vérifié ce qui se faisait et se faisait pas sur le terrain à date, ils ont regardé 4 thèmes qu'ils voulaient vraiment aborder cette année. Donc, la première chose, c'est au niveau de la réalité du milieu rural. T'sais, on a dit qu'il y avait eu des rendez-vous du loisir rural, qu'il y avait eu des tables de concertation. Mais maintenant qu'on sait ce qui se passe et qu'on a dégagé des pistes de leurs besoins, là, on veut se pencher sur leur réalité puis mettre en place beaucoup plus d'informations, de documentation. Donc, ça, le milieu rural, c'est la première des thématiques cette année. Si vous êtes concerné, vous allez recevoir de l'information. Puis si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave parce que ça vous concerne aussi. Non, mais ça vous concerne soit en tant que participant, des fois on va en région faire des activités, ou encore en tant que professionnel en loisir, qui sait peut-être qu'un jour vous allez travailler là, des fois on change de place. Mm-hmm. Nouveau défi. Fait que voilà. La deuxième thématique, on parle beaucoup de l'activité physique, des saines habitudes de vie. Ça, c'est pas nouveau. Mais le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport est intéressé à mettre en place une veille, à savoir ce qui se fait, les manques et tout. Puis avec le livre vert, avec les différentes politiques au niveau de l'activité physique, on veut faire une différence. On voit qu'il y a de plus en plus d'organismes qui se penchent aussi sur la situation. Donc, c'est une des thématiques qu'on va vraiment suivre et surveiller cette année parce que c'est une réalité et une problématique plus que jamais, là, les saines habitudes de vie et l'activité physique. On n'en parlera jamais trop. Donc, voilà, deuxième thématique. La troisième, en fait, c'est au niveau des politiques, mais pas au niveau de la politique, là, des différentes politiques qui sont mises en place dans le milieu du loisir. On en voit de toutes les sortes, mais on veut les revoir, des politiques de reconnaissance, des politiques culturelles, des politiques familiales, d'aînés, des politiques nationales, locales, internationales. C'est qu'on a une grosse problématique que la majorité reste, en, comme ils disent, en lettres mortes. Donc, on écrit des beaux papiers, super épais, là. Mm-hmm. Mais pas épais dans le sens de niaiser. J'ai fait le geste dans le sens que c'est un... D'épaisseur. Il y a beaucoup de pages. Grand format, là, oui. Grand ça. Format. Ben, oui. Impression sur du 11 par 17. Non, mais on a beaucoup de politiques, mais peu de gens les suivent, peu de gens s'en informent, peu de gens ont le temps vraiment de les lire. Fait qu'il y a celui qui les a écrits qui est bien heureux, celui qui a donné la subvention qui est bien heureux. Puis au final, ça reste là. Fait que là, ils veulent revoir cette année les différentes politiques qui existent dans le milieu du loisir, voir s'ils sont encore réalistes, si c'est encore, tu sais, c'est adaptable à notre situation encore en 2014-2015, parce qu'il y en a qui sont écrits en 1950, puis juste parce que personne les a réécrits, ben encore ceux-là qui sont là parce que c'est la dernière version. Donc, c'est de les revoir, de voir encore leur portée, leur influence, leur pertinence, puis au besoin de les retravailler. Donc ça, c'est la troisième thématique. Voyons, pas juste des petits projets. C'est là, une grosse année, c'est ça. Là. Ça, oui, c'est assez majeur. Vous l'avez dit. Mm-hmm. Puis la quatrième, dans le fond, c'est... on parle toujours d'accessibilité. Puis ça se traduit dans différentes sphères. On parle d'accessibilité financière pour rendre le loisir le plus accessible possible aux gens, soit gratuit, soit à faible coût. Parce qu'on considère que... c'est un droit, le loisir. Tout le monde a droit au loisir, vous le saviez? C'est dans la Charte des droits et libertés. Sans blague? Sans blague. Le loisir, s'amuser, juste avoir du Le loisir fun. Est un droit. Wow, cool. Depuis, je pense que c'est... Ça devrait être un devoir. Ah, c'est l'heure de mon loisir. Amande, j'ai pas eu de fun aujourd'hui. Oh. Tu sais, c'est mon chiffre. On arrête tout. On arrête tout. On est dans le loisir. Mais non, mais... Le loisir, dans le fond, fait qu'on parlait d'accessibilité financière. On parle d'accessibilité aussi au niveau, tu sais, des fois, les personnes handicapées à limitation fonctionnelle, pour qu'ils puissent y avoir accès, que les choses soient adaptées à eux, parce qu'au final, t'es pas une personne handicapée, c'est l'environnement qui est pas adapté à toi. Donc, c'est d'adapter les environnements pour permettre au plus de monde possible d'y participer. Si le monde ne veut pas y participer, c'est une chose, c'est mais ça. C'est parce qu'ils peuvent pas, parce que c'est pas adapté, c'est plus malheureux. Avoir l'option d'y aller. Exactement. Ouais. Puis, on parle d'accessibilité. On parle d'accessibilité aussi au niveau du langage, de la vulgarisation. Tu t'adresses pas pareil si tu vas publiciser un événement, une activité ou des choses du genre à des enfants, à des aînés, à des adultes, à des gens Alzheimer. Tu adaptes ton langage, tu réponds aux besoins en allant chercher les gens avec leurs différentes réalités. T'es touche, yo, bro! Exactement. Donc, ça, c'est ça, les... ton public à toi. C'est public de moron. Le public de C'est fou, c'est les yo. Non, vraiment pas. On vous aime. On vous aime. On vous tolère. On vous tolère les yo? C'est ça. Non, pas les yo. Les morons. Faut rendre accessible le langage. C'est ça qu'on a de la difficulté à déterminer parce qu'on a comme déterminé tantôt que j'avais comme un fan club de morons. Non, hier. Hier, je pense que t'étais le directeur général des morons. C'est ça. Mais là, je suis en train de dire que c'est pas vraiment notre public. As-tu une équipe sous toi? Non. Pas encore, non, c'est juste moi qui gère. Je connais du monde. On s'en parle, on va déterminer qu'est-ce qu'un moron, tu sais, lequel est-ce qui est approprié pour nous autres. On va faire comme dans le dîner de moron. Dîner de con. Le déjeuner de moron. Le déjeuner de moron. On tient de quoi, là? On a un projet. Good job. Bon, maintenant que j'ai parlé du déjeuner de moron, prochaine affaire que je voulais vous parler, c'était... Donc, ça, c'est les quatre thématiques vraiment qui vont aborder cette année, comme je disais tantôt, le milieu rural, l'accessibilité, les saines habitudes de vie, puis les différentes politiques qui existent dans le milieu du loisir. Donc, ils ont mentionné aussi, en 2014-2015, qu'ils allaient conserver, comme je disais tantôt, les différents bulletins qu'ils font, qui en font au moins 8 par année, qu'ils vont continuer le portail des bénévoles en loisir avec les petites fiches, qui vont mettre à jour la bibliothèque électronique en loisir, qui est comme une bibliothèque en ligne, mais vraiment juste de ressources en loisir. Fait que t'as déjà une partie de recherche de fait, contrairement à ce support de la bibliothèque générale. Puis, ils mettent en place aussi cette année quelque chose qui avait existé dans le passé, qui était tombé entre deux chaises dans les dernières années, les journées de l'Observatoire. En fait, c'est des journées qui vont regrouper, comme je disais tantôt, les différents partenaires qu'on a déjà et qu'on essaie de rejoindre pour les rassembler. Qu'ils puissent discuter entre eux des différentes réalités qu'il y a, qu'il y ait des réflexions qui soient faites, puis qu'après, leurs problématiques, nouveautés et tout, le laboratoire puisse travailler là-dessus pour que l'Observatoire puisse diffuser à nouveau une réponse à leurs questionnements. Mm-hmm. La prochaine, qui est en fait la nouvelle de l'année, va être le 7 novembre. Ça va se passer à l'UQTR. Donc, les différents partenaires en loisirs sont invités. Il y a un mini frais, là. Mais tu sais, ça comprend le repas et plein de café et de brioche. Tu sais, comme le monde importe. Ah, pas de macarons? Je vais vérifier. Des macarons. On amènera sur le déjeuner de moron. Macarons, tu veux dire un name tag, là? Non. Ou macarons qui va dans la bouche? C'est ça. Un name tag. Un name tag dans la bouche, je pense que c'est piquant un peu. Tu sais, quand tu veux du piquant, caliente. C'est la pine du macaron, on l'avait compris, c'est pas drôle. OK. Oui, donc dans les journées de l'Observatoire, il n'y aura pas de macarons. Non. Mais il va y avoir beaucoup de discussions, le repas fourni et tout. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur le site de l'Observatoire québécois du loisir. En fait, autant les organisations qui envoient leurs représentants que monsieur, madame, tout le monde, individu qui se sent concerné par le milieu du loisir, a quelque chose à dire, a le goût de jaser de ces sujets-là, est le bienvenu. Donc, toutes les informations sur le site de l'OQL, c'est uqtr.ca/OQL pour Observatoire québécois du loisir. Pas trop compliqué. Plus simple de retenir les lettres que ce que les lettres veulent dire dans ma tête. OQL, je retiens Office. Organisme. Office québécois du loisir, en loisir, avec des loisirs. Si tu rajoutes un F, c'est l'Office québécois de la langue française. C'est vrai, ça fait que c'est bien, hein? Ouais, je suis perturbée. OQL. UQTR.ca/OQL. Oui, et puis gars, on est localisé à l'université, fait qu'on a même un site de l'université uqtr.ca/OQL. Est-ce qu'on peut aller vous voir en direct en personne? Ben oui, c'est sûr que c'est pas un magasin, fait qu'il y a pas comme... Il y a pas un commis. Tu peux pas aller acheter un commis et tout, mais on existe. Parlez une douzaine de loisirs, s'il vous plaît. Aux fraises. Ouais, fourré aux fraises. On est une heure de grande écoute. Ah! Oups. Quoi, on n'a pas le droit de parler de fraises? Exactement. Pas le droit de parler de fraises, c'est quoi cette règle-là? C'est-tu la police anti-fun, ça? On n'a pas le droit de parler de fraises? On n'est pas dans notre chiffre de loisirs. Ah, excuse-moi, t'as raison, c'est à 9h, ça. À moins 14, on est encore en mode pas loisir. Voilà. Mais pourtant, on parle avec toi, je comprends rien. Hein? Ah, mais oui, on existe à l'université. Oui? Je pense que c'est le 10-57, ou sinon, c'est pas loin, parce que le laboratoire, c'est le 10-60, au pavillon Ringuet. Moi, j'ai grand-moi, de quel pavillon? Oui, au premier étage du pavillon Ringuet, pas loin de l'EIF. Mm-hmm. Dans le coin là-bas, lointain. D'accord. Donc, vous pouvez venir nous voir. Puis, si vous voulez vous joindre à nous, recevoir de l'information et augmenter de 5 000 à 10 000 membres l'Observatoire québécois du loisir. C'est quasiment doublé, ça? Oui, en un matin, c'est quasiment doublé. On fait ça à matin. Ben, en fait, c'est très simple. Vous allez sur le même site, uqtr.ca/OQL. Vous entrez votre courriel. Il n'envoie pas des spams, là. Il vous envoie juste les bulletins et les informations pertinentes, puis vous allez être au courant des différentes journées. Enlarge your loisir. Oh, c'est bon, ça! Celle-là est bonne. C'est bon. Oui. Ouais, puis si ton parent dit, tu sais, t'as-tu eu des bonnes notes? Fait que là, tu dis, tu sors ton bulletin, tu fais imprimer le truc de loisir, puis tu dis, tiens, j'ai un bon bulletin de loisir. Ah! Au moins, tu sais, c'est ça. J'ai un A en loisir, comme je donnerais à Marie-Laurence Audet, comme son nom de famille commence par un A, ça, c'est approprié, ça. Oh! Et bon. Donc, on te retrouve la semaine prochaine. Exactement. Pour notre chronique, mercredi à 8h30. Oui. C'est le loisir bien plus qu'un jeu. On te remercie, on te souhaite une bonne journée. Mais merci, vous aussi. Merci. pour l'instant, on va entendre. Tu sais, ce qui est divertissant dans la vie, ce qui, moi, me provoque un loisir, c'est monter... Ce qui te provoque un loisir dans le pantalon, c'est ça? Oui, exactement. Ça te provoque un loisir, oui. C'est de lancer des pierres sur un éléphant. Non, je veux dire, me promener en éléphant. Sur une route de pierre, ouais, non. Animal. C'est Elephant Stone qu'on va entendre. Voici une nouvelle entrée du palmarès anglophone. C'est adoré par Steph jusqu'à maintenant. Donc voici. Je suis tout énervée. J'ai aucune idée, ça va être quoi. Motherless Child, Love's Not for War, tout de suite. Au 89 FM, c'est fou. Puis non, je lance pas de roches aux éléphants. Les éléphants me lancent des roches, par contre. Ou des pinots. Ou des pinots. I'm not afraid. Elephant Stone et Motherless Child, entre parenthèses, Love's Not For War. On prend une pause à Assemblage Requis et juste au retour, c'est la nouvelle chronique culinaire, alimentaire et dans ta gueule de Stéphanie Paradis. C'est moi. Elle a un vrai nom, la chronique. Stéphanie aussi a un vrai nom. Qui n'est pas Stéphanie Paradis. Hein? Quoi? C'est un autre nom? Robert. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes à Assemblage Requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées. Stéphanie Paradis. Mathieu Plante. Oui, et c'est le moment tant attendu, celui qu'on annonce depuis le début de l'émission. En fait, qu'on annonce depuis, je pense qu'on l'a peut-être mentionné hier un peu. Ouais. Pas tant que ça, mais bref, on a hâte à ça et c'est le moment, c'est venu, c'est là. Vous connaissez peut-être les références de tout ça. On va en parler après l'introduction. On va commencer la chronique, puis après ça, on vous dit ce que c'est puis de quoi ça en retourne, OK? C'est Master Steph. La chronique pour laquelle on cuisine la bouffe cochonne du net. Ah, enfin, c'est arrivé. On a tellement trouvé de chroniques à travers les années, de chroniques cool dans différentes autres chroniques, en fait, de recettes cool dans des chroniques qu'on fait. Ouais. Et Stéphanie s'est dit, je vais y faire. Mais oui, on fait juste les regarder, baver, en parler. On a le goût d'y manger, mais on les fait jamais. Mais non. On y goûte jamais. Là, c'est fini, là. On regarde on, toutes les recettes cochonnes qu'on trouve sur Internet, là. Je les fais, puis je les amène, puis on en parle, puis ça va être le fun, puis ça va être bon dans la bouche. C'est la meilleure idée du monde, je pense. Pas pire. Ça va être vraiment le fun. Donc, Master Steph, évidemment, référence à Master Chef. Hein? Oui. Ça aurait pu aussi être, tu sais, Hell's Kitchen, ça aurait pu être Paradise's Kitchen, t'aurais pu faire ça, mais c'est pas ça. Mais moi, je veux qu'on m'appelle Maître. Maître. Donc, Master Steph, ça me convient parfaitement. Master Steph. Sinon, t'aurais eu une parodie de l'émission Les Chefs. Ça aurait été les ch'tefs. Les ch'tefs. Ça n'est pas c'est comme aussi. Les ch'trons. C'est ça. Mais tout ce que je fais. Donc là, on va ch'teffer ça dans le bol. Une ch'teffée de saupoudrage. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce que ça se procède? Comment est-ce que ça se déroule tout ça? Mais écoute, moi, je commence premièrement. Je t'explique la recette. Mm-hmm. Donc, je vais toujours te donner les ingrédients. Comment on fait la recette? Parce que les gens à la maison, je sais qu'ils vont vouloir faire cette recette-là. Après ça, ben, on va goûter, bien entendu, à la recette. Hein? Wow! Qu'est-ce que t'en penses? J'adore ça, on veut commencer tout de suite là. Et si vous voulez voir la recette, si vous voulez voir les préparatifs, allez dès maintenant sur la page d'Assemblage Requis. Il y a un album photo qui s'appelle Master Steph et vous avez pratiquement toutes les étapes de la recette que je vous présente ce matin. Ça vient tout juste d'être publié. Wow. Qu'est-ce qu'on mange ce matin, Mathieu? Quelle recette on découvre ensemble? Je sais même pas moi-même, tu me surprends, c'est sûr. Eh bien, ce matin, en fait, j'ai fait pour toi, Mathieu, des biscuits au Reese. What? Tu sais que je tripe sur les Reese, le butter peanut. Ah, moi aussi. Ah, miam. Donc, cette recette-là est tirée du blog Blooming on Bainbridge. Écoute, tout de suite, un coup de cœur pour la recette. Donc, je vous dis tout de suite à la maison les ingrédients dont vous avez besoin. J'ai même une photo des ingrédients si vous voulez aller voir sur la page d'Assemblage Requis. Donc, ça prend premièrement... mon Dieu, j'ai pas traduit ça. Une demi-cup de sucre. Donc, une demi-tasse de sucre. Une demi-tasse de cassonade. Donc, c'est très sucré. Une demi-tasse de beurre. Donc, ça, c'est un bâtonnet. On peut acheter... La brique, la grosse brique, on peut l'acheter aussi en quatre petits bâtonnets. Donc, je trouve ça beaucoup plus facile. Okay. C'est un bâtonnet. Ça donne une demi-tasse de beurre. Ensuite, ça prend une demi-tasse de beurre d'arachide. Ça prend un gros œuf, un extra large. Ensuite, ça prend une cuillère à thé d'essence de vanille. Une tasse et demie de farine tout usage. Trois quarts de cuillère à thé de bicarbonate de soude. Une demi-cuillère à thé de sel. Honnêtement, moi, j'y vais comme au feeling, ouais. Là. Ensuite, ça prend une tasse et demie de Reese's Pieces et presque un sac entier de Reese's Mini. Ah, OK, oui, je comprends la différence entre les Reese's Pieces, qui est comme des genres de M&M au beurre de peanut. Exactement. Okay. Et les Mini, c'est vraiment des petits cups. Justement, c'est drôle que t'en parles. Ouais. J'ai pas trouvé de Reese's Pieces. C'est ce que je me suis dit. Donc, j'ai acheté les M&M au beurre d'arachide. Même chose. Même goût, pour vrai. Ça goûte pas mal proche. Mais on va en reparler un peu plus tantôt. OK. Donc là, on dit que la recette, ça donne 12 gros biscuits. Et on met vraiment l'emphase sur le gros, là, sur le blog. Moi, je suis pas super bonne en proportion parce que ça m'en a donné 8. OK. Mais donc, des encore plus gros que supposé. Ouais, fait que j'ai fait comme 8 gros biscuits pas de classe, là. Ils sont vraiment comme ça, juste pas de bon sens. Comme des gâteaux, des petits c'est gâteaux. C'est des gros biscuits. OK, tu vas comprendre dans la préparation pourquoi c'est vraiment cochon, là. OK. Donc, ben, tout simplement, on commence par préchauffer le four à 350. Là, j'ai pas pris de photo de ça. Non, ben, je me suis dit que... on a déjà vu ça. C'est ça. Malgré que ça pourrait être une idée. Ensuite, ben, au batteur électrique, on va commencer par mélanger le beurre et le beurre d'arachide pour obtenir une belle texture lisse. On veut pas de grumeaux. Non. Ensuite, on va ajouter le sucre et la cassonade. On continue à battre jusqu'à ce que ça soit bien homogène. Et on répète le processus avec l'œuf et la vanille. À date, ça va? Oui. Donc, dans un bol, ça te fait un beau gros mélange lisse avec tout ça. Dans un autre bol, tu vas mélanger la farine, bicarbonate de soude et le sel. Et tu vas ensuite verser les ingrédients secs dans le mélange au beurre d'arachide. Ça va? Parfait. Tu mélanges. Ensuite, tu vas ajouter dans le mélange au beurre d'arachide une tasse de Reese's Pieces. Donc, tu vas garder la demi-tasse qui reste pour la décoration. Parce qu'on veut qu'il y en ait sur le dessus. Ben oui. Parce que c'est plus beau. Juste des petites garnottes de Reese's. Ben oui. Pieces. Ensuite, tu vas prendre une grande plaque à biscuits. Tu vas recouvrir de papier parchemin. Moi, je préfère ça que de graisser. Ça sert à rien de graisser. Papier parchemin, c'est magique. Il n'y a rien qui colle à ça. Ensuite, à l'aide d'une cuillère à soupe, tu vas faire 12 boules de pâte que tu vas aplatir sur ta plaque. Sur le dessus, tu vas mettre 4 ou 5 mini Reese's, donc les mini Reese's. Là. Les petits cups. Ouais, c'est des mini-mini. Ouais. Donc, tu vas en mettre 4-5 sur le dessus. Et après ça, tu vas reprendre une demi-cuillère à soupe de pâte que tu vas mettre par-dessus les mini Reese's. Ah, oui. Et tu vas comme sceller le dessus. OK. Donc, ça va faire que tes mini Reese's, ils vont être à l'intérieur du biscuit. Ah. Et ça va pas, le chocolat ne va pas fondre comme sur le dessus pour s'étendre sur le biscuit. Donc, ça va être comme stuffé aux Reese's. Fourré. C'est intéressant, ouais. Hein? J'adore. Donc, après ça, tu vas décorer avec tes Reese's Pieces qui restent. Puis, tu mets au four 15 minutes. Donc, moi, là, comme la grosseur de mes biscuits a posé problème, mais ça a posé problème lors de la cuisson. Parce que plus c'est gros, plus c'est long à cuire. Mais moi, je vais être bien honnête, je cuisine jamais ce genre de recette-là. J'imagine qu'avec la bouffe de la semaine, vous avez pu constater que j'essaie d'aller vers des trucs un peu plus santé, quelque chose qui va nous apporter des bienfaits peut-être à notre système. On a-tu dit fuck that cet automne, hein? On fait plus ça, là, de la bouffe santé. C'est... Mais là, écoute, la vie est trop courte pour pas se gâter. C'est ça. Je suis tannée de regarder ces recettes-là puis de me dire un jour. Oui. Là, on les fait. On passe à l'action. C'est... Donc là, mais c'est ça, mais moi, j'ai aucune idée de quoi ça a l'air un biscuit cuit à point. OK. Parce que j'en ai jamais vraiment fait. Est-ce qu'il y a un truc de cure-dent, quelque chose pour savoir ben, si ça t'est fait? Je pense que ça fonctionne pas, le cure-dent, avec les biscuits. Ça, c'est des muffins, je pense. Oui. Fait que j'ai l'impression, est-ce que ça doit être mou? Est-ce que ça doit être doré? J'ai l'impression que ça doit être encore mou et que ça va figer quand ça va refroidir. Peut-être. Donc là, moi, c'était mou, j'étais pas sûre, est-ce que c'est pas cuit? Donc, j'étais allée au feeling, peut-être que c'est trop cuit, mais est-ce que ça va être moins bon? S'il y a des Reese's dedans, quand même. C'est pas si grave que ça. On se reprendra la prochaine fois. On fait la même recette à chaque semaine. C'est parfait. Ah ouais. Ensuite, ben moi, j'ai pas trouvé de Reese's Pieces, comme je vous l'ai dit, à l'épicerie où je suis allée. Donc, j'ai pris des M&M au beurre d'arachide. Mais les M&M au beurre d'arachide sont plus dodus et bombés que les Reese's Pieces. Donc, ça se mélangeait moins bien à la pâte. C'est plus comme des Smarties, les Reese's Pieces, de côté forme. C'est ça. Donc, c'est un peu plus plat. Les M&M, beurre d'arachide, sont gros, là, sont pratiquement ronds. Oui. Donc, ça, c'est comme ça se mélangeait moins bien. Donc, je pense que ça vaut la peine de chercher dans un autre supermarché pour avoir la vraie sorte, que c'est ce soit vraiment trouver, des biscuits aux Reese's. Mais là, on s'entend, moi, j'étais paresseuse. C'est quand même c'est hier, normal. En fin de journée, je fais, ben, on s'en fout. Puis, j'avoue que ça a l'air d'être pareil jusqu'à temps que tu t'attardes vraiment aux petits détails. Je me rappelle qu'il y en avait à la cafétéria dans le temps des Reese's Pieces. Ah oui? De l'université. Mais j'ai jamais vraiment mangé ça. C'est très, très bon. C'est pas arrivé souvent, là. Mais comme j'aime les M&M au beurre d'arachide, je vois pas pourquoi j'aimerais pas les Reese's Pieces, que j'aime les Reese's. C'est du cochon au-dessus, en plus, parce que pour vrai, le beurre de peanut Reese, c'est juste le meilleur beurre de peanut qu'il y a jamais eu. Ben oui. Est-ce qu'on peut se tartiner ça sur une toast? Je pense qu'il devrait faire en fait. des pots de beurre de peanut Reese. Je pense qu'il y a ça aux États-Unis, non? C'est ben possible? Là, qui devrait comme nous en donner. On va se renseigner, ouais. Une commandite juste de Reese's. Écoute, maintenant, ouais. Je t'ai décrit la recette. Oui. Je t'ai donné les ingrédients. Oui. On est presque prêt à déguster. OK. Mais je pense qu'on va aller entendre une petite chanson. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord avec toi. Et moi, toi, en plus, pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, j'ai quelque chose à te proposer. OK, pendant la chanson. Qu'est-ce que tu dirais si j'allais faire chauffer les biscuits au micro-ondes un peu? Ah, bonne idée, mais où sont les micro-ondes? Ça va être dans l'autre pavillon à côté. C'est loin. Il y en a plus à la chasse-galerie? Non, c'est ça. C'est l'autre pavillon à côté. Il y en a plus à côté? Ah, mais T'as le temps. C'est pas trop loin. C'est à peu près deux fois la distance. Fait que t'as le temps pour la chanson qui dure 3 minutes 30. Tu te dépêches. Ça me tente pas vraiment de courir, là. Bon. Fait qu'on laisse faire ça. Ça va être bon pareil. OK. Bon. On s'en va quand même entendre une chanson. Et on s'en va entendre Big Tweed de la formation Electric Peanut Butter Company. C'est Master Steph. Ah, son âge, oui. C'était Big Tweed de la formation Electric Peanut Butter Company. C'est vraiment bon, super funky en plus. Hein? C'était cool comme... Ah. Oh mon Dieu! Je viens d'ouvrir mon plat puis ça sent le beurre d'arachide. Je vais sentir moi aussi. Ah, oh, ça sent bon. Mais écoute... Ah, ils sont gros, ils sont énormes! Ils sont vraiment énormes. J'ai pris un gros plat et... Il rentre trois biscuits dans mon gros plat. On va rappeler aux gens qu'on est dans Master Steph, la nouvelle chronique culinaire alimentaire et dans ta gueule de Stéphanie Baradi qu'on va faire dorénavant tous les mercredis à 9h en fin d'émission. Oui. On est en train de faire une recette de Peanut Butter Reese's Pieces and Cups Cookies. Exactement. Donc, des bons gros biscuits au beurre de Peanut Reese's. Mm-hmm. Et Écoute, ce sont vraiment juste trop énormes. Donc, je vais te quand même te le passer, te l'approcher, que tu puisses te prendre un biscuit. Et... Elle me précise bien un biscuit. Non, non, mais c'est parce que t'as comme 40 bouchées. C'est une blague, je sais bien, il est même trop énorme en plus. Et j'ai un troisième biscuit. Donc, la première personne qui nous aborde en sortant du studio, je lui donne le biscuit. Hein, c'est quand même un bon deal, ça. C'est vraiment très généreuse. Donc là, je sens qu'il va y avoir une grosse file d'attente à l'extérieur du studio. Qu'est-ce que t'en penses, hein? C'est sûr c'est que... déjà fait. Ah non! Lâchez-moi! Mon chandail! on vous rappelle que la recette est maintenant disponible sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Juste aller voir dans les photos, il y a les ingrédients. La photo des ingrédients, c'est juste en dessous en commentaire. Oui, donc en commentaire à la photo des ingrédients, vous pourrez retrouver la page du blog. Ouais. C'est en anglais, là, mais je pense que c'est quand même de base, on est capable de traduire Reese's Pieces en français. C'est ça. Puis cups, c'est une tasse. Là, puis, yes. C'est ça. Donc c'est quand même une recette là, assez simple. Donc, 12 arômes de beurre d'arachide. Tellement. Je sais pas sur quoi. Je vais pas me le mettre sur la table. Pogne-nous quelque chose. C'est ouais, mon couvercle? Couvercle, c'est bon. Merci. Parfait. Good. C'est des biscuits. Là, on va pas faire de dégâts avec ça non plus. Bon. Donc je pense que je vais pas croquer dedans. Je vais essayer de le rompre. Ouais, je vais faire voir de même. Ce que ça donne. On va le casser. Même que je peux le casser dans le micro. Attention, on va juste... comme ça. Il s'est quand même bien cassé. Ah, oh, il a fait un petit touc très subtil. OK, première bouchée. Écoute, première bouchée, je suis prête. Mm. Ouais. Présentement, ça goûte juste le beurre d'arachide parce que j'ai juste de la pâte. C'est juste correct. Non, j'ai pogné un petit M&M. Mm-hmm. Mm-hmm. Non, j'aime ça. C'est pas trop beurre de pinoté. C'est juste assez croquant. Mm-hmm. Mâchouillant un petit peu quand même. C'est pas le genre de biscuit moelleux. Ça me fait penser à un biscuit moelleux. Quand tu laisses un petit peu, mettons, tablette, il reste moelleux un peu, mais devient plus sec. Mais des biscuits au beurre d'arachide, ça va toujours être très friable. Ouais. Yep. Oh! Il a quand même moellé là, quand je l'ai cassé. Quand tu l'as ouvert, hein, avec cette action de malléabilité que tu as eue là, ça me faisait penser un petit peu à des biscuits à la menace. Ah ouais? Ça me rappelle un petit peu la texture de biscuit à la menace traditionnelle. Là, je viens de trouver un Reese à l'intérieur. Tu vas croquer dedans. Donc, je vais aller goûter à ça, voir ce que ça donne. On parle d'un vrai petit cup, là, Reese's miniature. Mmh. Mmh. J'en veux un, moi aussi, attention. Oh my God! Mmh. Mmh. Ah ouais, OK, ouais. C'est typique, la saveur de Reese's est vraiment typique. Quand tu croques dans le Reese, mm-hmm. c'est à se rouler par terre. Ouais, ouais. Mm. C'est cochon, là. Ben oui. C'est un biscuit de fin de semaine, dirait mon ex beaucoup trop santé. Mais je suis un peu d'accord. Le samedi seulement. Donc. Écoute, d'habitude, pour vrai, mon chum a vraiment fait le saut hier. Il est habitué que je fasse des beaux petits muffins aux bananes. Tout des trucs un peu. Toute santé. Ouais. Là, il a vu les gros biscuits avec les gros M&M sur le dessus. Qu'est-ce que c'est ça? Je te dirais que lui, il a déjà fait le test hier. Là. Il a pas résisté. Non, non. Mais c'est encore plus dur pour moi de le voir le manger. C'est comme, pis c'est-tu bon? C'est-tu bon? Ouais, qu'est-ce qu'il a dit? Ben, lui, en général, il aime pas les Reese. Il a aimé les biscuits. Ben, voyons donc, le traître. Il vient de se mettre à dos toute l'équipe. Non, c'est ça. Il aime pas les Reese, mais il a aimé les biscuits. Mais sais-tu, moi, je pense qu'à la place des M&M au beurre d'arachide, je mettrais quasiment juste des M&M standards au chocolat. Oui, pour faire un complément au beurre de peanut, parce qu'il y en a déjà dans les Reese's Cups, les mini. C'est ça, ouais. Et dans la pâte, il y a déjà du beurre d'arachide. Mm-hmm. Donc peut-être avec plus de chocolat, ça ferait peut-être plus Reese comme saveur. Oui. Donc je pense que je laisserais tomber les Reese's Pieces, je mettrais des M&M traditionnels au chocolat. Ou encore quelque chose qui aurait une texture confiturienne un peu. Pour faire un complément beurre de pinot et confiture. Je sais pas, un bonbon à savoir de confiture, quelque chose comme ça. Je sais pas si ça existe. Je pense qu'il y a des jujubes à cuisson. Ça pourrait peut-être être quelque chose à faire. Oui, oui. Mais écoute, il y a tellement de recettes qui s'en viennent. Je pense qu'on va découvrir plein de belles choses ensemble. Est-ce que tu es en train de nous dire que tu vas faire une chronique à chaque semaine avec une nouvelle recette exclusive à chaque semaine? Oui! Incroyable! On a fait donc cette semaine les Peanut Butter Reese's Pieces and Cups Cookies grâce à bloomingonbainbridge.com, le lien sur la page Facebook. Et je pense que c'est un succès. Un franc succès. On se le cachera pas. Wow! C'est... Hey, je pourrais être payé avec des pinottes, tu sais. On pourrait être payé avec des pinottes, c'est ça que ça voulait dire. On va te payer des pinottes. Cette recette-là. C'est Master Steph toutes les semaines, les mercredis à 9h. C'est pas terminé. Non, c'est pas terminé. J'ai autre chose pour toi. T'as une section plus trucs et astuces. On n'a pas encore d'intro pour cette section-là, mais tu disais que tu voulais avoir un petit quelque chose de spécial. Donc, on va juste repartir avec, mettons, l'intro normale, tiens, mettons, pour remettre dedans. Oh, oh, c'est les trucs et les astuces de Master Steph. Yo! Yo, yo, yo! Master Steph, c'est moi! Puis moi, je suis le maître de la cuisine! Wouhouhou! Moi, j'aime ça faire des desserts pis les manger. Là, je donne des trucs! Hey, avant, t'avais honte de chanter avec mes chansons, mais là, depuis que c'est toi qui invente les paroles, tu le fais sans même qu'on te le demande. C'est incroyable. C'est drôle, hein, qu'on peut prendre goût à certaines choses dans la vie. Donc, trucs et astuces de Master Steph. Les trucs et astuces. Ouais, c'est ça. Écoute, je sais pas si tu as vu dans la recette, dans les photos que j'ai mises de ma recette, je sais pas si tu as remarqué que mon beurre avait une drôle d'allure. Le beurre sur le beurre d'arachide. Ah oui, le beurre en copeaux, là. Oui. Oui, c'est ça. J'ai râpé mon beurre. OK. Est-ce que tu trouves ça étrange? Est-ce que tu as un atelier avec une scie et des affaires à... Puis tu as utilisé ça pour le beurre? C'est ça, je l'ai scié à l'aiguine. C'est ça l'aiguine? Bon, non, mais en fait, c'est pour utiliser du beurre congelé dans les recettes. Arrête donc. Donc, si vous voulez cuisiner et que votre beurre est congelé, comme moi, par exemple, j'achète justement les petits bâtonnets qui sont d'une demi-tasse de beurre. Je trouve ça beaucoup plus pratique de sortir juste un bâtonnet. Eh bien, si vous décidez de cuisiner... Ah! Mon beurre est congelé, faudrait que je le sorte. Si on le met au micro-ondes, il va juste fondre. Et c'est pas la texture qu'on veut utiliser dans nos recettes. Eh bien, la solution, c'est de tout simplement râper le beurre et de le mettre dans la recette. Tu peux l'utiliser tel quel râpé. Donc, t'as pas besoin de le faire fondre. La chaleur du râpage et du mélangeage, ça va être suffisant pour que ce soit parfait. La chaleur du râpage, là, c'est tantôt quand c'était vraiment hot, quand t'as râpé. Hein. Exactement. Comme, vu que tu dis salé au lieu de salé, est-ce que tu dis râpé au lieu de râpé? Non. En langage gaspésien. Non, râpé. Okay. Ben, râpé. Le A, il est plus long. Ensuite, si tu veux avoir une purée de pommes de terre légère et moelleuse. Oh, je veux ça tout de suite. Toi, je sais que tu cuisines beaucoup, particulièrement la purée de pommes de terre, parce que je sais que tu adores peler les pommes de terre. Mm-hmm. Donc, si tu veux faire de la purée de pommes de terre qui va être vraiment légère et moelleuse, il paraît qu'il suffit d'ajouter une pincée de bicarbonate de soude ou de poudre à pâte avant de mélanger et que ça va faire gonfler ta purée de pommes de terre. Intéressant. Ensuite, pour râper du fromage plus facilement, donc tantôt on a râpé notre beurre. Maintenant, si tu veux râper du fromage, tu mets un peu d'huile sur ta râpe à fromage. Donc la tâche va être beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide et beaucoup plus propre aussi. Parce que le fromage ne va pas coller à ta râpe. Intéressant. C'est vraiment bon. Ensuite, si tu veux une collation rapide, ça veut dire que tu peux insérer un bâton de popsicle dans à peu près n'importe quel fruit. Tu le trempes dans du chocolat fondu. Ensuite, dans des bonbons, si désiré, mais on le désire. Et tu mets ça à congeler sur du papier ciré. Et n'importe quand, t'as une portion de fruits et un popsicle à la fois. C'est une belle collation que tu peux manger n'importe quand. Avec des bananes, des kiwis, des fraises, c'est toujours excellent. Et finalement, ça, écoute, ça m'a vraiment flabbergasté. C'est sûr que je vais essayer ça un jour. Je ne l'ai jamais essayé, mais j'ai découvert ça. Tu peux faire cuire du caramel à la mijoteuse. Hmm? OK? Donc, même toi, tu pourrais le faire parce qu'il n'y a pas d'étape. Étape zéro. Mais il y en a comme une, mais elle est tellement niaiseuse. Écoute. Il y a une étape. Tu peux faire du caramel facilement dans ta mijoteuse. Tu vas verser le contenu de deux boîtes de lait condensé sucré, donc Eagle Brand. C'est pas mal qu'on connaît. Ben, t'as le compliment, par exemple. Donc, tu vas mettre deux boîtes de lait condensé sucré dans trois petits pots maçons bien fermés. Tu mets ça dans ta mijoteuse, tu vas couvrir complètement d'eau et tu fais cuire à basse température pendant 8 à 10 heures. C'est tout. Wow. Ça va te donner du caramel. Malade. Avoue que ça donne vraiment le goût d'essayer. Oui, du caramel, super facile de même. C'est sûr que je vais essayer ça, la mijoteuse, quand c'est pas toi qui travaille. J'aime ça. Yay! C'est tout. C'est tout. Ah, ça, c'était parfait comme chronique, Master Steph. On l'a dit tantôt, ça va être tous les mercredis à 9h. On va aimer ça à chaque fois. Ça va être encore meilleur tout le temps. J'ai tellement hâte de choisir ma prochaine recette. Ah oui. Et pour ceux qui se demandent, là, bon, évidemment, vous avez écouté notre émission cet été comme à chaque semaine parce que vous êtes des fans finis d'Assemblage Requis. Mm-hmm. On faisait la bouffe de la semaine. Son pendant Malbouffe de la semaine où on dégustait un produit acheté en magasin va revenir éventuellement parce que j'ai trop envie de le ramener. On va voir avec Master Steph pour essayer de faire un complément de contenu. Mais ça s'en vient. Soyez là pour ça. Mais oui. Pour l'instant, Steph, on écoute une petite chanson avant de se quitter. L'émission est presque terminée déjà. On finit de manger nos biscuits. On finit, ben c'est sûr. Ça prendra pas de temps que ça va être fini ce soir-là. 3-4 bouchées énormes. Mais c'est plus ça, 3-4 grosses bouchées. Des maudites grosses bouchées. Pendant qu'on écoute Oli Laroche, après Elephant Stone tantôt. Hein? Stone et Roche. voici Rupture au 89 FM. C'est fou. Et la pièce Rupture à Assemblage Requis. Il reste 5 minutes à l'émission, mais là, on s'est dit, bon, on va pas finir exactement à l'heure, là, quand même. Là, on veut donner encore toujours plus de contenu au monde. Hein? Ben oui. Donc, voici son foutu palmarès. Jusqu'à ce que j'entends sur sa liste. J'ai tenu mes hauteurs. J'ai entamé ma descente sur son foutu palmarès. Je ne réponds plus à ses attentes. Je suis maintenant à la base. on est épuisé d'avoir chanté la chanson pendant une minute de même. Là. Écoute, son foutu palmarès, la chronique de laquelle j'ai toujours la toune dans la tête. C'est vrai? Je pense que c'est hier matin, je me préparais puis je chantais ça. J'ai comme, voyons donc. Et le pire, c'est qu'il y a une chanson au complet autour de ça. Ouais, ben oui, ben oui. C'est juste tout le temps le même 45 mais secondes oui. en tête, c'est sûr, sûr, sûr. Bref, bon, commençons donc notre chronique sur Foutu Palmarès. On a établi une liste sur un sujet précis. Connais-tu la vexillologie? Quoi? La vexillologie. Vexillologie. Ouais, non, tu connais pas la vexillologie? Non. C'est l'étude de l'histoire, du symbolisme et de l'usage, de l'utilisation des drapeaux. Ah, ah, ah, ah. Et oh, par oui, extension, oui. donc, tout ce qui est l'intérêt envers les drapeaux en général, c'est la vexillologie. Et aujourd'hui, on fait une petite liste de drapeaux les plus bizarres du monde. Ah, cool! Ça va être quand même intéressant. C'est un peu visuel, mais pas autant genre que d'autres affaires visuelles que je trouve plates. Donc, allons-y avec des affaires visuelles. Juste aller voir sur assemblagerequis.com. On va vous le décrire le plus possible pour que vous compreniez de toute façon. C'est ça, je vais décrire des formes géométriques de base. Ben, c'est ça, c'est des formes géométriques. Exactement, il n'y a rien de vraiment fancy là-dedans. Commençons par le Mozambique, où on voit trois bandes horizontales, une bande verte, une noire et une jaune. À la gauche, il y a un triangle, un demi-triangle, en fait, non, c'est pas un triangle exact, ouais, un demi-carré. Ouais, donc ouais c'est ça, un demi-losange. Demi-losange, ouais. Avec une étoile jaune dans le milieu, une hache, genre, et un livre en dessous. Il y a comme beaucoup trop d'affaires en même temps. C'est comme un triangle, une étoile, un livre, une hache, un gun. Un par le sinon. Pourquoi est-ce qu'il y a un gun? C'est le seul, en fait, drapeau national du monde à mettre en vedette une arme. Une assault rifle. C'est un AK-47. Un AK-47 qui est supposé représenter la défense et la vigilance dans un pays qui a vécu une guerre civile pendant plus d'une décennie. Ouais. Ça a une raison d'être. Ensuite, on va à Hawaï, qui a vraiment un drapeau étrange. C'est des bandes horizontales beaucoup plus minces qui fait, dans le fond, ça fait blanc, rouge, bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge. Et en haut à gauche, t'as un drapeau du Royaume-Uni, dans le fond, le Union Jack. Ouais, comme un mini Union Jack. Exactement. Donc, même si ça n'a jamais fait partie de l'Empire britannique, Hawaï a toujours le Union Jack dans son coin en haut à gauche. Que ça n'a jamais fait partie de l'Empire britannique? N'a jamais fait partie de l'Empire britannique. Ça, tout ça? C'est ce que l'article nous dit. Donc, la légende nous dit que le roi Kamehameha était en amour avec le design de l'Union Jack. Quand il s'en est fait donner un par l'explorateur George Vancouver comme en cadeau. Donc, il a décidé de l'adopter et ça fait partie de l'emblème officiel des îles d'Hawaï. Est-ce que tu as trouvé si ça faisait partie C'est tellement bizarre. Ouais, pas dans la pays britannique là-dedans. Moi, ce que je trouvais bizarre sur le drapeau, c'était que, étant donné que ça commence par la ligne blanche, oui. On dirait que le Union Jack sort du drapeau. On dirait qu'il dépasse. J'ai eu le même bizarre, flash au départ. Hein? C'est vraiment bizarre. Ça devrait pas commencer par un blanc, clairement pas. Mais bon. Ensuite, on va à Drniš, D-R-N-I-S. Connais-tu ça, Drniš? Non. C'est une petite ville en Croatie, la ville de Drniš, qui a adopté le symbole de Saint-Roch comme drapeau en 2000. Donc, on voit sur le drapeau un genre, une languette, si on veut. C'est comme un rectangle à coin très, très rond. OK? Donc, coupé en haut et en bas, c'est comme une langue, donc plus rond. Et à l'intérieur, t'as un gars, un monsieur avec une cape rouge. Un bâton jaune dans les mains. Évidemment, on ne sait pas exactement ce que c'est. Je crois que c'est une chèvre à sa droite. Et il pointe... Une chèvre ou en tout cas un animal. Avec un pain dans la bouche? Ben ouais. Un chien avec un pain dans la bouche. C'est ça l'affaire. Un chien avec un pain dans la bouche, je pense que c'est ouais. ça. Mais c'est vraiment pas clair. Et le gars pointe sa cuisse où il a l'air d'avoir une fente. Avec du sang. Ouais, comme une coupure. Une coupure. Une blessure. Donc, selon la légende chrétienne, le petit chien, voilà, qui est montré, c'est qu'il a sauvé Saint-Roch en léchant sa plaie. Ah, ouais. Et en lui fournissant un petit pain. Une petite miche de pain. Mie de pain? Mie de pain? Ouais, miche. Miche. Donc, c'est pour ça qu'il y a un pain dans la bouche et pour ça que le gars pointe sa blessure. Il dit au chien, viens me lécher, enlève ton pain. Moi, je pensais au début qu'il y avait des mains, tu sais, les lampes sur pied. Oui, là. Une lampe Ikea sur pied, ça ressemble à ça, en effet. Ensuite, on va au Népal, où le drapeau est en forme un peu comme de double triangle en plié un par-dessus l'autre. Un demi-sapin de Noël. Un demi-sapin de Noël avec donc deux pointes vers la droite. Et dans la pointe du haut, t'as une lune avec un soleil qui en ressort. Et en bas... Mais une lune qui sourit. Une lune qui sourit, oui, exactement. Et en bas, un soleil. Ou encore juste une bulle dans Photoshop pour marquer genre spécial 2 pour 1.